reflection in me. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Il est 20h33, vous êtes en direct sur Radio Arc-en-Ciel pour la Red Argus Sport. Très heureux de vous retrouver après une semaine de pause en ce lundi de Pâques passé. J'espère que vous avez passé un bon week-end déjà et que vous avez passé un bon début de semaine. Vous êtes en vacances, profitez-en. Pour les autres, bon courage. Si vous êtes au travail, si vous nous écoutez, bon courage à vous. Si vous êtes en voiture, faites attention à vous. Et sinon, vous pouvez nous écouter, bien sûr, sur le site radio-arc-en-ciel.com pour 2 heures ensemble jusqu'à 22h30. On retrouvera Hugo, comme chaque lundi, à 21h pour le débrief foot, le gros débrief, avec plein de choses encore qui nous attendent. Bien sûr, la Ligue des Champions, c'est demain, Arsenal-Paris Saint-Germain. On viendra aussi sur, bien sûr, l'autre demi-finale qui nous attend, le Barça face à l'Inter. On reviendra sur ce qui s'est passé tout le week-end. Il y a eu plein de choses, évidemment, avec les championnats en Europe. On avait aussi ce classico en finale de Coupe du Roi, très très tendu. On va y revenir aussi tout à l'heure. On aura aussi le titre pour Liverpool, ça y est, officiellement, c'est fait. Et puis en Ligue 1, ça bouge aussi beaucoup. Pour la Ligue des Champions, tout est encore très serré, on va y revenir. Et puis pour Montpellier, c'est définitivement terminé pour cette année, avec une redescente en Ligue 2. Voilà tout ce qui nous attend tout à l'heure. Donc un gros programme encore foot ce soir. Et puis jusque-là, jusqu'à 21h, eh bien, tout le débrief multisport avec bien sûr du tennis. C'est Madrid cette semaine, alors ça n'a pas joué aujourd'hui. Ça ne jouera pas ce soir avec évidemment, vous l'aurez compris, la panne générale en Espagne, donc pas de match à Madrid pour ce jour en tout cas, voire peut-être même plus. Donc ça va évidemment poser quelques problèmes pour la programmation de ce tournoi. On aura aussi du rugby, voilà, ça a bougé aussi un petit peu du côté du top 14 avec des équipes qui sont positionnées encore un peu plus pour les playoffs. Et puis pour les autres, eh bien il va falloir batailler encore, on va en reparler bien entendu. Pour le rugby, on aura du basket Pro B. Malheureusement, une nouvelle défaite pour l'OLB en prolongation cette fois-ci, qui met définitivement un terme à mon remontée directe. Il faudra y passer par les playoffs. C'est maintenant la finalité pour cette saison. Et puis handball avec Saran qui s'est imposé, mais là aussi ça va être compliqué d'aller chercher la première place. Il en faudra en passer malheureusement par les playoffs également. On y pensait depuis un petit moment, on s'en doutait un peu. C'est maintenant quasiment officiel. Et puis en rugby aussi, on n'en a pas parlé à l'instant, mais malheureusement le RCO ne montrera pas cette année en national, puisque le RCO a perdu en demi-finale d'accession pour le national. Donc on y reviendra tout à l'heure bien sûr, mais pas de remontée immédiate. Voilà le programme ce soir, donc beaucoup de choses encore une fois. Et puis les directs que l'on va suivre, on aura, alors ça s'est joué il y a quelques minutes, Udinese Bologne 0-0, pas de but, ça ne fait pas les affaires de Bologne, on va en reparler. 20h45, Lazio face à Parme, Lazio qui peut profiter de ce faux pas de Bologne et pour eh bien tout simplement repasser cinquième. Voilà, ce sera l'objectif de la Lazio ce soir, qui reçoit donc Parme de son côté, qui se bat encore pour le maintien, même si il y a quelques points d'avance, mais c'est un match important aussi pour Parme. Et puis l'autre rencontre, c'est Hellas Vérone 14e qui reçoit Cagliari 16e. Donc là aussi, là, un gros match très important pour les deux clubs, surtout bien sûr pour Cagliari 16e qui a un petit peu moins d'avance sur la zone rouge. Pour Hellas Vérone, c'est un petit peu plus confortable, même si 3 points ferait beaucoup de bien. Et puis c'est tout, c'est les seuls matchs que l'on suivra en football. Il y a pas de Ligue 2 ce soir, pas de football espagnol. Voilà, donc les deux rencontres de Serie A dans un peu moins de 10 minutes maintenant. Et puis le tennis, je vous le disais, hein, pas de match ce soir pour Madrid, puisque vous l'avez peut-être appris, la panne générale en Espagne qui a énormément perturbé le pays et également le Portugal tout au long de la journée. Voilà pour donc le programme de ce soir et les directs que l'on suivra Ce seront ces deux matchs donc de Serie A. On va démarrer donc dans un instant pour eh bien le programme avec pour démarrer eh bien tout le débrief multisport jusqu'à 21h et on retrouvera Hugo juste après. Arc-en-ciel, c'est du soleil, plein les oreilles, plein les oreilles. Et on va commencer donc ce programme par le débrief comme d'habitude de ce qui s'est passé tout au long du week-end dans les sports mécaniques avec la Formule 1. Donc on vous rappelle que le prochain rendez-vous ce sera ce dimanche avec le Grand Prix de Miami. Voilà donc le Grand Prix des États-Unis ce dimanche. Donc on reste sur pour l'instant 3 victoires de Oscar Piastri hein, qui est le leader du général. Donc fait pour l'instant forte impression. Et puis la suite aussi du programme de MotoGP. Alors il y avait un Grand Prix hier, c'était le Grand Prix d'Espagne. Victoire du local, non pas Marc Marquez mais Alex Marquez, qui s'est imposé devant Fabio Quartararo qui prend une très belle deuxième place. Et puis troisième place pour Francesco Bagnaia, donc il se contente de la troisième place. Marc Marquez seulement douzième, hein, loin du podium avec donc cette douzième place. C'est Alex Marquez qui prend les commandes du coup du championnat du monde grâce à cette victoire. Il a un point d'avance sur Marc Marquez, donc c'est vraiment très serré. Bagnaia juste derrière avec 120 points, voilà, après les autres sont assez loin, donc c'est vraiment une lutte à trois pour l'instant qui semble se dessiner, même s'il reste énormément de Grand Prix bien sûr. Et puis la prochaine étape, je vous le disais, ce sera le Grand Prix de France, donc le 11 mai prochain, voilà, donc ce sera donc bien sûr au Mans. Et puis on aura juste avant cela bien sûr également les 24 heures du Mans. Alors il y a eu les 24 heures du Mans moto qui se sont déroulées le week-end dernier, il y aura aussi les 24 heures du Mans auto qui vont ainsi arriver très vite hein. Bien sûr ce sera le 14 juin aussi, un petit peu plus tard dans la saison, et on l'a appris, c'est Roger Federer qui va donner le départ de ces 24 heures du Mans qui aura lieu le 14 juin donc pour la 93e édition. Donc on aura bien sûr l'occasion de reparler de ça. Mais avant cela, bien sûr, donc Grand Prix de France moto, et puis bien sûr ce dimanche, je le disais, Grand Prix des États-Unis pour la Formule 1. Et puis en rallye pour terminer, la dernière étape qui s'est déroulée, c'était aux îles Canaries, une entrée dans le calendrier, les rallyes des îles Canaries, avec la victoire du Finlandais Roven Perä qui s'impose devant Sébastien Ogier qui faisait son retour dans le championnat après une première victoire à Monte Carlo. Il était de retour, deuxième place pour lui au général. C'est Evans, toujours le Britannique, fort de ses deux victoires lors des deux derniers rallyes et de sa troisième place hier, qui reste leader avec 109 points. Le Finlandais Roven Perä est deuxième, et puis Thierry Neuville prend pour l'instant la troisième place. Ogier revient quatrième, mais on le sait hein, ça va être compliqué puisqu'il ne jouera pas l'intégralité du calendrier comme chaque année. Maintenant, depuis 2-3 ans. Et la suite du calendrier, justement, ce sera le Portugal du 15 au 18 mai prochain. Voilà donc ce qui s'est passé et ce qui va se passer dans les prochaines semaines du côté des sports mécaniques. On va poursuivre maintenant. Alors, je vous rappelle les directs hein, que l'on va suivre si vous nous rejoignez. Deux directs qui vont démarrer dans moins de 5 minutes. Maintenant, ce sera la Serie A, un spécial Serie A ce soir. Lazio, Parme, et puis Vérone, Cagliari. Et puis, un petit peu plus tôt dans la soirée, c'est Bologne qui a été tenu en échec à Udinese, 0-0, qui ne fait pas les affaires de Bologne. On va y revenir tout à l'heure, bien sûr, aux côtés d'Hugo, dans le gros débrief européen. Voilà pour les directs donc de ce soir. On va poursuivre, bien sûr, le programme avec du handball pour poursuivre. Alors on rappelle que bien sûr Saran se bat toujours pour essayer de remonter en Star League hein, toujours en Pro League. Alors les derniers résultats c'était donc la journée 28, Saran s'est imposé, c'était à domicile, très belle victoire face à Ponto Combo 27-20, c'était à Comet Arena avec bien sûr derrière hein, le showcase qui se déroulait, et donc une belle victoire pour Saran qui va faire beaucoup de bien sûr pour la suite et la fin de cette saison régulière. Alors ça va être compliqué hein, bien sûr pour remonter directement puisque la première place est occupée par Dijon qui désormais possède 4 points d'avance sur Frontignan deuxième, 3, 5 sur Célestat troisième et 6 sur Saran quatrième. Voilà pourquoi ça va être désormais compliqué, même si c'est vrai qu'il y a un match d'avance pour les Dijonais. Mais ça semble évidemment compliqué hein, pour revenir sur ces petits camarades devant maintenant, les Saranais qui vont batailler, mais ça va être évidemment compliqué. La fin de calendrier, je vous l'annonce. Deux matchs encore. La réception pardon de Cherbourg, ce sera donc le prochain rendez-vous ce week-end, vendredi soir. Alors je vais vous confirmer tout cela évidemment avec le site bien sûr des Septors hein, pour vous donner au plus proche le match qui arrive. Ce sera donc vendredi, c'est ça, au Palais des Sports, réception de Cherbourg. Bien sûr, les billets, vous pouvez vous les procurer sur le site des Septors, bien sûr. Prochain match donc, et puis la dernière journée qui va opposer Saran à Célestat. Voilà, le 16 mai prochain, il y aura une trêve entre les deux. Voilà, pour clôturer la saison régulière, donc face à Célestat, troisième. Donc voilà, ça va être très important cette fin de saison. Évidemment, finir le mieux possible pour derrière s'assurer un adversaire un peu plus facile. Bien sûr, on rappelle, donc le premier va monter directement. Pour le moment, c'est Dijon qui semble y aller tout droit hein, avec encore deux matchs à jouer. Ensuite, on aura du 2 au 8e. Au 9e, eh bien, des quarts de finale. Évidemment, si vous l'avez compris, s'il y a une deuxième place, ce sera la 9e qui va être en face. Donc, il faudra évidemment le finir le plus haut possible sur ces deux rencontres restantes. Et donc, c'est l'Estat, bien sûr, qui sera le match final pour peut-être finir 2 ou 3e. Donc, on aura l'occasion de revenir sur tout ça, bien entendu, dans l'élite, hein, dans la Ligue Star League. On aura normalement Paris champion, hein, puisque pour l'instant il y a toujours 5 points d'avance sur Montpellier. Nantes est juste derrière. Il reste encore, malgré tout, 5 journées. Ça va être compliqué, hein, bien sûr. Paris reste leader après sa victoire samedi face à Tremblay. Montpellier a suivi aussi face à Chartres. Chartres, attention, hein, qui est toujours hors de la zone rouge, c'est très serré, hein. 2 points d'avance sur le 14e et 3 sur Clermont-Rennes qui est le premier relégable. Donc vraiment, ça va être compliqué jusqu'au bout pour cette équipe de Chartres qui va devoir s'accrocher encore sur les dernières rencontres qui arrivent. La prochaine, c'est la réception de Créteil, ultra important face à l'équipe qui est juste derrière. Donc c'est vraiment le match crucial à ne pas perdre pour Chartres vendredi, donc à domicile face à Créteil. Voilà pour l'élite. Et puis un dernier résultat pour la Ligue des Champions avec Nantes, on rappelle, engagé en quart de finale de cette Ligue des Champions, qui a battu le Sporting Portugal la semaine passée 28-27. Donc petit avantage, court avantage, mais qui pourra peut-être faire la différence au retour. Le retour, ce sera mercredi à 20h45, donc au Portugal cette fois, pour essayer de garder cet avantage et de rallier les demi-finales donc de cette Ligue des Champions. On l'espère, évidemment. Et puis, chez les filles, c'est Metz qui est sorti vainqueur du duel 100% français face à Brest. Victoire à l'aller et au retour, donc il n'y a pas eu de débat. C'est Metz qui a été le plus fort sur ces deux confrontations et qui, donc, va affronter les Danoises d'Odense en demi-finale de cette Ligue des Champions. C'est ce qui a accouché du tirage au sort qui a été effectué aujourd'hui même. Et donc, ce sera donc face à ces Danoises. Donc, Il va avoir du travail pour les Messines, mais il faudra y passer pour essayer d'aller chercher une finale qui aura lieu à Budapest le 31 mai prochain. Donc voilà, ce sera le défi qui leur est offert pour les Messines. Donc une équipe d'Odense, donc les Danoises, ce sera du lourd évidemment, mais moins que prévu, puisqu'il y avait deux favoris, hein, les Hongroises de Győr, tenant du titre, et les Danoises d'Elsberg. Donc c'était plutôt à éviter, ça a été fait, mais il faudra passer cet obstacle pour aller chercher une finale. Voilà pour les Messines qui normalement aussi hein, vont aller chercher le titre dans le championnat, puisqu'elles sont leaders avec 2 points d'avance à désormais 5 journées de la fin, et elles ont voilà pour l'instant pas perdu. Donc c'est encore une fois une saison qui serait parfaite en championnat. Voilà pour le handball. En basket, je vous rappelle Pro B avec Orléans qui a dit adieu à la remontée directe après une défaite à Antibes au bout des prolongations, défaite 95-82. Blois, de son côté, en a profité pour gagner à Nantes, qui leur permet d'avoir 3 victoires d'avance. 3, c'est le nombre de journées restantes aussi. Donc voilà, vous l'avez compris, ça va être trop compliqué pour aller chercher la première place, puisque même en cas d'égalité, c'est Blois qui serait sûr de remonter avec les confrontations directes. Donc il n'y a plus de possibilité de terminer premier, il faudra aller chercher la deuxième place maintenant au mieux. Pour l'instant, c'est Boulazac qui la détient, parce que Boulazac s'est également imposé face à Rouen. Donc Boulazac qui possède 2 victoires d'avance, donc et en plus un match de retard à jouer, donc ça va être là aussi très compliqué pour aller chercher cette deuxième place, mais au moins troisième, et derrière s'assurer un adversaire un petit peu plus abordable, puisque derrière le quatrième est assez loin, donc la troisième place semble pour le moment pour Orléans. Et je vous rappelle qu'on aura dans ce championnat de Pro B des playoffs avec là aussi des huitièmes de finale même, puisque jusqu'au dixième on va participer au playoff, et donc pour le moment c'est Orléans qui serait troisième, donc qui serait directement quart de finale, mais encore 3 matchs à jouer, donc pour essayer de se sécuriser au plus vite cette troisième place. Réception de Rouen, Rouen qui est pour le moment 11e, qui peut encore aller chercher des playoffs. Ce sera samedi soir à 20h à l'Arena. Et puis si on va voir un petit peu plus loin, les deux dernières journées, réception de Boulazac, qui sera peut-être le tournant pour aller chercher la deuxième place. Vendredi 9 mai à 20h à l'Arena. Voilà, ce sera un match à aller voir. Et puis enfin, il y aura un déplacement à Caen pour finir le 13 mai prochain. Voilà, Caen aussi qui peut encore chercher la qualif. Donc voilà, 2-3 matchs importants à venir pour essayer d'être troisième, voire deuxième. Donc, et ensuite, place au play-off. Et on reparlera, bien sûr, il y aura des belles rencontres à voir à domicile. Et on a hâte d'y être, en tout cas. Pour la remontée directe, ce sera trop compliqué maintenant, puisque Blois semble le mieux placé pour aller chercher cette première place. Voilà, et puis dans l'élite, là aussi, on s'approche de la fin de saison. Il reste 3 journées également. Pour l'instant, l'ASVEL et Monaco sont bien installés en tête. Paris suit juste derrière, donc rien n'est joué pour aller chercher les playoffs. Alors après, évidemment, ce sera tout autre champion qui va démarrer avec les playoffs, évidemment, vous vous en doutez. Pour l'instant, l'ASVEL, Monaco, Paris, Cholet pour les 4 premiers de ce classement. Et puis un mot de l'Euroleague pour vous dire que pour le moment, eh bien, Paris mal démarré sa phase de quart de finale de Euroleague, puisqu'ils ont perdu les 2 matchs face au Fenerbahçe à l'extérieur. Place maintenant aux 2 matchs à domicile. Alors ce sera donc le premier demain à 20h30, et puis le suivant, on l'espère, à nouveau une victoire pour aller chercher derrière un match décisif. Et puis donc Monaco, par contre, qui a fait l'inverse, qui a gagné ses 2 matchs à domicile face au Barça, et donc qui se déplacera, ce sera mercredi 19h au FC Barcelone pour essayer de mener 3-0 dans cette série. Donc pour l'instant, eh bien, c'est deux adversaires différents et deux situations différentes pour nos deux clubs français. Mais rien n'est fait. On peut encore espérer, bien sûr, aller chercher, eh bien, pourquoi pas, des demi-finales pour nos deux clubs français. On va bien sûr revenir avec attention sur tout ça dans les prochains jours. Voilà pour le basket. On va avoir du rugby dans un instant, et puis du tennis aussi avec Madrid. Le rugby, c'est le top 14. On approche là aussi de la fin de saison, bien sûr, il restera 4 journées. Toulouse, pour l'instant, solide leader, victoire face à Castres, carton plein face à Castres, 52-6, qui reste bien bien installé, avec 10 points d'avance, il ne bougera plus de cette première place a priori. Bordeaux-Bègles, deuxième, puisque Bordeaux-Bègles, de son côté, a été battu face à La Rochelle 21-10 dans un gros match, grosse confrontation. Et Bordeaux-Bègles reste deuxième malgré tout. Toulon passe troisième avec sa défaite. Et puis derrière, Bayonne, Castres, Clermont pour l'instant dans le top 6. La Rochelle peut encore y croire. Lyon également, Montpellier, voilà, tout ça c'est encore possible. Même le Racing, pas totalement décroché. Pau également, tout reste jouable. Et puis par contre, Stade Français, Perpignan, Vannes, ça va se battre pour le maintien, puisque un point seulement les sépare. Donc vraiment tout va se jouer sur ces dernières journées. Prochaine journée, ce sera dans 15 jours, puisque vous l'avez compris, on aura le retour de la Ligue des Champions, enfin des Coupes d'Europe, samedi et dimanche, demi-finale donc des Coupes d'Europe avec donc deux clubs français qui vont s'affronter. Bordeaux-Bègles qui reçoit Toulouse dimanche à 16h. C'est voilà, c'est une finale avant l'heure pour ces deux clubs français qui sont en tête du championnat de top 14. L'autre demi-finale sera samedi soir, le Leinster reçoit Northampton. Voilà, on aura un club français, ça c'est sûr, en finale, lequel on le verra, il faudra pour ça passer par cette demi-finale. Et puis dans l'autre compétition, bien c'est également deux clubs français qui s'affrontent. Lyon le Racing dimanche à 13h30 et puis la veille, ce sera Édimbourg-Basse pour aller chercher l'autre place de finaliste. Voilà, en tout cas deux clubs français. Dans les deux compétitions différentes en finale, donc on a hâte d'y être, bien sûr. Et puis malheureusement, les Françaises ont été battues dans la finale du tournoi destination féminin face une nouvelle fois aux Anglaises, dans un match cruel, défaite d'un point, 43 à 42. Malheureusement, ça s'est joué à peu de choses pour les Françaises. Une nouvelle fois battues à Twickenham et une nouvelle fois qui passent à côté du Grand Chelem. C'est les Anglaises qui s'imposent une nouvelle fois, comme depuis 2018 maintenant, chaque année. Malheureusement, les Françaises devront attendre encore un an. Et avant ça, il y aura bien sûr le Mondial. On en reparlera, mais à la rentrée prochaine. Voilà pour le rugby. Et puis du tennis, avant de retrouver Hugo pour la page foot. C'est Madrid cette semaine, je vous le rappelle. Alors, pas de match aujourd'hui, je vous l'ai dit, puisque après la panne générale en Espagne, il n'y a pas eu de match. Donc les matchs sont reportés à demain. Pour les huitièmes de finale, notamment pour les hommes, pour l'instant, on aura Zverev, tête de série numéro 1, face à Cerundolo. On aura Mensik et Bublik, Fritz face à Rudd, Medvedev, Nakashima, et puis Arnaldi, attention son adversaire. Je vous rappelle que Novak Djokovic a été battu d'entrée par l'Italien, Arnaldi, en deux manches sèches. Le score, je vous le rappelle, si vous ne l'avez pas suivi, 6-3, 6-4, un Serbe en détresse totale. À un mois de Roland Garros, ça c'est inquiétant pour la suite de cette saison sur terre battue. Et puis pour on rappelle pour Carlos Alcaraz, il a dû déclarer forfait avant le début du tournoi. Donc eh bien ce sera Zverev qui pour le moment semble plutôt favori sur le pour l'instant les joueurs qui restent encore en course. Un Français encore en course, ce sera Alexandre Müller face à Tiafoe. Ce sera demain, donc ce match du troisième tour. Et puis Benjamin Bourdi malheureusement a perdu. Enfin, a dû céder après un match assez assez important. Et puis pour le reste, eh bien pas d'autres Français. Tsitsipas Mouzetti aussi qui nous attend demain chez les dames. On connaît une affiche des quarts de finale. Andreeva face à Goff, Swiatek jouera en huitième demain, tout comme Sabalenka. Plus de Françaises donc depuis déjà le premier tour de ce tournoi de Madrid. Donc demain, a priori, ça devrait rejoindre, on l'espère, en tout cas en fonction de ce qui va se passer, bien sûr, en Espagne, dans les conditions que l'on connaît. Et parce que c'est vrai que derrière, ça va poser évidemment beaucoup de problèmes pour la programmation de ce tournoi. Voilà pour le tennis. Donc, on va marquer une pause et on va se retrouver dans 3 minutes donc, pour eh bien, retrouver Hugo qui va nous rejoindre pour la page foot. Donc, beaucoup de choses, je vous le disais, juste avant là. Avant donc d'attaquer ce programme, puisqu'il y aura donc les championnats, la Ligue des Champions cette semaine. Donc beaucoup de choses nous attendent dans la suite de cette émission. Jusqu'à 22h30, on est ensemble. Et puis, bah, je vous rappelle, les directs, c'est parti hein, en Italie. Parme, pour l'instant, a ouvert le score face à Lazio. Petite surprise, 1-0, puis l'autre rencontre, pas de but. Pour l'instant, on en reparle bien sûr juste après la pause. On retrouvera Hugo donc, et puis on suivra aussi donc Véronne Cagliari dans l'autre rencontre de cette soirée que l'on suit bien sûr en fil rouge. Une pause, César's, Jerk It Out, juste après on se retrouve pour encore une heure et demie ensemble, tout de suite. Shut up, hush your mouth, can't you hear your tongue? check it out. C'était César à l'instant pour le son et eh bien il est l'heure de retrouver Hugo puisqu'il est 21h tout pile, on est tout pile à l'heure et on est ensemble jusqu'à 22h30 pour cette deuxième partie football. Salut Hugo. Salut à toi Rémi, salut à toutes et à tous. Ça va ce soir? Écoute, ça va très bien, comme tu l'as dit, là on est pile à l'heure, c'est beau, c'est assez rare, donc c'est une belle chose. Et puis voilà, le beau temps est de la partie cette semaine, on a une belle semaine de Ligue des Champions, de Coupe d'Europe avec les demi-finales, donc tout va bien. C'est ça, très très belle semaine, tu l'as dit. On va, sans perdre de temps, démarrer, puisqu'on va essayer de finir à l'heure. On a commencé à l'heure, est-ce qu'on va finir à l'heure? Ça c'est toujours la question, on va voir ça. Donc deux directs ce soir seulement, deux d'Italie d'ailleurs, Lazio Parme et Vérone Cagliari, donc des enjeux pour tout le monde en fait, puisque Rome va essayer de, pour l'instant ça a mal démarré et, puisqu'ils sont bien à zéro, mais va essayer de gagner pour eh bien profiter du faux pas de Bologne qui, on en parlera, a fait tout à l'heure 0-0 face à Udinese, donc qui peut perdre sa cinquième place, dépend de la Lazio, pour l'instant c'est pas le cas. Et puis on aura aussi d'autres matchs entre Vérone et Cagliari qui se battent aussi pour le maintien, tout comme Parme aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment deux matchs à enjeu qui se déroulent donc en ce moment même. Donc on va suivre ces deux matchs. Et puis donc pour le foot, le programme vous le connaissez hein, bien sûr, Ligue des Champions. Les deux affiches qu'on va représenter même ce soir. Et puis bien sûr tout ce qui s'est passé à l'étranger, Liverpool champion, on va en parler, même si c'était déjà acté, mais voilà, c'est officiel. On va aussi parler de Bayern qui s'en rapproche de ce titre. Bien sûr aussi l'Italie où on a un changement de leader. Là aussi, on va en parler de ce Naples qui a pris les commandes. Et puis en Espagne où il y a eu ce derby ultra chaud hier, ce classico, donc entre le Barça et le Real dans cette finale. Avant-hier, déjà. Dans cette finale de Coupe du Roi et puis voilà, donc et puis en France bien sûr avec la défaite de Paris qui ne terminera pas la saison invaincue. Voilà, beaucoup de choses qui se sont passées ce week-end et puis beaucoup de choses ont passé cette semaine. On va en parler bien sûr ensemble, en commençant par notre tour d'Europe. Comme d'habitude, l'Allemagne, je le disais, le Bayern se rapproche d'un titre. Alors c'est pas encore fait hein, bien sûr, puisqu'il reste encore trois journées à jouer, mais c'est vrai qu'avec maintenant ces 8 points d'avance, ça semble quand même bien avancé face au Bayern, Bayer Leverkusen qui a gagné aussi, mais pour l'instant c'est bien le Bayern qui est toujours en tête. Le Bayern justement qui recevait Mayence, on avait parlé un petit peu de ce match. C'est vrai que Mayence, là aussi ça joue aussi, il y a des enjeux pour la Ligue des Champions encore, et c'est encore même possible malgré cette défaite. Mais il y avait un vrai enjeu pour ces deux clubs et le Bayern qui a fait le match qu'il fallait et qui s'impose 3-0 et qui garde 8 points d'avance qui vont être très importants. C'est ça, ouais. Tu as dit oui, Mayence qui reste quand même, malgré cette lourde défaite 3-0, oui, dans la course à l'Europe. Pourquoi pas, oui, effectivement, toujours dans cette course à la Ligue des Champions aussi. puisqu'ils ont 4 points de retard encore sur le 4e, hein, Fribourg notamment, puis 2 points de retard aussi sur les petits 5e. Donc voilà, ils sont encore plutôt bien positionnés, même si, comme en France, il n'y a que 34 journées, donc il reste plus que 3 matchs, donc mine de rien, ça risque quand même d'être compliqué pour eux. En tout cas, si ils réaffichent dans les prochains matchs, dans les prochains jours, cette performance-là, ça risque d'être compliqué pour eux. Voilà, le Bayern qui s'est imposé incontestablement, tranquillement, 3-0, avec un très bon Michael Olise, encore une fois, hein, qui a été buteur et passeur, et un très bon Sané aussi, hein, comme souvent, je le dis beaucoup ici, qui fait souvent un très bon match une fois sur trois. Ça reste un joueur, bien sûr, très talentueux et grandiose quand même, mais qui fait toujours preuve d'irrégularité. Mais là, ce week-end, voilà, il était dans un très bon jour où il a marqué, il a été buteur, mais il a touché aussi deux montants. Sur une balle piquée après une offrande d'Olise justement, et sur un boulet de canon aussi qui aurait mérité de finir en pleine lucarne, mais pareil, qui est venu s'écraser sur le poteau. Mais voilà, un très bon Sané, un très bon Bayern, 3-0. Et voilà, malgré cette nouvelle victoire, tu l'as dit, le Bayern qui devra encore attendre, hein, pour être officiellement champion, parce que bien sûr c'est quasiment fait. Cette victoire de Leverkusen dont on va parler juste après. Voilà, le Bayern qui doit repousser malheureusement les festivités, mais encore une fois, voilà, c'est 9 doigts déjà sur 9 doigts de la main sur le titre. Et le Bayern du coup qui jouait après, qui n'avait pas le droit à l'erreur. Ils ont fait là aussi le match qu'il fallait. Victoire 2-0, assez tranquille. Ça s'est surtout fait en première période, mais maintenant ils sont un petit peu, ils savent un peu ce qui va arriver quand même. Ouais, c'est ça exactement, oui. Donc on le disait, Leverkusen qui retarde le titre du Bayern et qui se remet surtout plus ou moins la tête à l'endroit en retrouvant le chemin de la victoire, parce qu'ils avaient enchaîné deux matchs nuls consécutivement en championnat. Donc voilà, c'est une bonne victoire pour Leverkusen. Le match a été plié entre guillemets à la mi-temps. Il y avait déjà 2-0 à la pause, grâce à un très beau but, un coup de canon aussi de Patrick Schick, qui marque son 19e but, hein, de la saison en Bundes. On en a pas mal parlé, hein, de Schick, hein, depuis le début de saison ici. Et puis un beau but aussi de Buendia, donc en fin de première période pour le Leverkusen, donc il a marqué ce second but de l'équipe pour remporter cette victoire. Et voilà, en revanche, Augsbourg tombe après 9 déplacements, 9 matchs à l'extérieur sans défaite. Il fallait attendre d'arriver sur le terrain du champion en titre pour être défait à l'extérieur. C'est une belle série pour eux, mais qui s'est finie ce week-end de façon assez logique. Et voilà, les Leverkusen effectivement qui retardent le titre du Bayern et qui confortent encore un peu plus, parce qu'ils étaient quand même déjà bien installés, mais sa deuxième place qui était déjà bien acquise, mais les Leverkusen qui restent tranquillement deuxième, et ça devrait bien sûr rester comme ça pour jusqu'à la fin de la saison. Oui, il y a quand même là aussi il y a le même écart. Entre les deux, il y a 8 points, donc avec Francfort. Et puis de toute façon, la troisième place reste qualificative Ligue des Champions. Donc pour eux, plus rien à craindre. Hein, le Bayern qui sera encore l'année prochaine en Ligue des Champions. Donc et maintenant 3 matchs encore à jouer avant de clôturer cette saison. On avait un petit peu plus tard dans la journée de samedi Dortmund qui a gagné un match très important du côté de Hoffenheim, qui de son côté Hoffenheim joue encore le maintien, oui, puisqu'il y a encore 5 points sur la place de barragiste, donc c'est aussi des points importants. Mais Dortmund, ça s'est joué dans les dernières secondes, mais au succès combien important, puisque ça permet de rêver toujours à la Ligue des Champions. C'est ça, ouais. Tu commençais par Hoffenheim, oui, effectivement. Hoffenheim qui a toujours 5 points d'avance sur la place de barragiste. Tu aurais pu en espérer un de plus, hein. Tu l'as dit, faut que ça soit à la dernière seconde, hein, cette victoire de Dortmund qui remporte donc un match à rebondissement au bout du bout grâce à un but d'Anton, hein, sur un cadeau de Guirassy après une mauvaise sortie de Baumann, hein, qui a par la suite laissé son but vide. Mais voilà, Hoffenheim qui pense avoir fait le plus dur à chaque fois en revenant à un partout, puis à deux partout à la 90e en plus. Hein. Hoffenheim avait égalisé à la 90e à l'entrée du temps additionnel de la fin de ce match. Et voilà, ce but qui arrive à la 90+5, hein, d'Anton qui permet à Dortmund d'aller chercher ces 3 points-là. Un bon match encore de Serhou Guirassy également, le buteur, hein, de Dortmund, qui a marqué son 17e but de sa saison en championnat. Le 30e en tout, hein, encore une fois, parce que je crois qu'il est encore meilleur buteur de la Ligue des Champions, à vérifier, mais Guirassy qui était meilleur buteur de la Ligue des Champions pendant quelques temps. Je te confirme ça à l'instant. Ouais, je te laisse vérifier, mais voilà, le 17e but de sa saison en championnat, sachant qu'il aurait pu mettre en plus à l'abri plutôt son équipe pendant ce match si son pénalty justement n'avait pas été arrêté après le 1-0 en première période. Mais donc voilà, tu l'as dit aussi, Dortmund qui se relance plus que jamais dans la course à l'Europe avec cette 6e place maintenant à 3 journées de la fin, on le disait. Mais donc voilà, ils sont à 3 points de Fribourg 4e, ils sont à 1 point de Leipzig 5e juste devant. Bon, pour aller chercher la 3e place, là c'est quasiment mission impossible, mais en tout cas, s'ils veulent aller chercher cette 4e place à la place de Fribourg, c'est encore faisable. Donc il reste 3 matchs et il va falloir assurer pour les jaunes et noirs. Voilà. Mais en tout cas, sur un match comme ça, ils ont su faire preuve de rebondissement, je l'ai dit, de mental. Ils sont fait rejoindre au score 2 fois. Mais ils ont su, dans les derniers instants, aller chercher cette victoire. Donc une bonne victoire contre Dortmund encore une fois. Et oui, je confirme, c'est bien Guirassy qui est en tête encore. Voilà. Rafinha est à un but, donc Rafinha a l'occasion de repasser devant, notamment mercredi. Et Lewandowski aussi est à 11 buts, donc là aussi il y a encore des possibilités. Et même Martinez à 8 buts, bon, il y a un petit peu de retard, mais il peut encore espérer aussi repasser devant. Très bien, et puis on termine avec Francfort face à Leipzig. C'était aussi un match important pour ces deux clubs. Voilà, Francfort qui met sa distance justement sur Leipzig et aussi sur qui va assurer un petit peu plus avec des champions. Maintenant, il y a 6 points d'avance sur cette 5e place, donc qui est détenue justement par Leipzig. Donc, c'est très important cette victoire 4-0 en plus avec la manière. C'est ça, ouais, c'est un vrai duel pour dans la course à l'Europe, pour la Ligue des Champions, même si Leipzig, malgré cette grosse défaite 4-0, reste toujours en course. Hein, ils sont à 2 points de Fribourg, mais effectivement, cette défaite fait mal. Francfort qui remporte tranquillement ce match avec, mine de rien, surtout le carton rouge de Bitsiabou côté Leipzig, qui est un véritable tournant du match, hein, même si l'Eintracht Francfort dominait déjà globalement ce match à 1-0. Mais ce carton rouge qui a vraiment pas du tout voilà, rassuré ou permis en tout cas à Leipzig de revenir dans ce match. Puis voilà, parlons aussi de la performance de Knauf, hein, le latéral de Francfort qui. Le milieu offensif de Francfort qui a été l'auteur d'un énorme match en ouvrant le score, en provoquant justement ce carton rouge de Bitsiabou, et puis donc le coup franc qui en a suivi, sur lequel il va récupérer d'une reprise de volée la balle repoussée par le gardien et qui va bien la placer sous la barre. Là ça était déjà 2-0 pour Francfort, et puis voilà, globalement Ekitike qui a aussi encore une fois fait une grosse performance avec un but et une passe D. Et puis voilà, Francfort a vraiment tranquillement dominé, gagné ce match, s'est imposé vraiment facilement contre le Rasenballsport Sport Leipzig, et Francfort justement qui distance maintenant de 6 unités Leipzig et est tranquillement installé également sa 3e place, 4 points devant Fribourg. Donc même chose, Francfort devrait assurer cette 3e place dans les matchs qui viennent, en tout cas c'est ce qu'il faut faire, mais avec une performance et une victoire comme ça, c'est sûr que ça peut mettre en confiance. Mais voilà, encore une très, très très très belle performance de Francfort. Et tu disais Fribourg à 4e qui a gagné aussi important à Wolfsburg et qui du coup repasse 4e et qui prend la place de Leipzig, donc c'est un peu un chassé croisé. Là il y a eu la même chose avec Dortmund, on va en parler, mais voilà, victoire très importante de Fribourg. Le Bayern donc possède, on l'a dit, 8 points d'avance sur Leverkusen avec 75 points contre 67, donc ça peut être fait sur le prochain match. Francfort derrière avec 55 points, Fribourg, là ça y est, ça se resserre après, avec Fribourg 51, Leipzig 49, Dortmund 6e 48, Mayence 7e 47, on a Werder Bremen 8e avec 46, voilà, là c'est encore possible, hein, parce qu'on rappelle que les 6 premiers se qualifient pour des Coupes d'Europe, donc même le Borussia Mönchengladbach avec 44 points peut encore espérer quelque chose. Après Augsbourg 10e, Stuttgart, ça va commencer à être un peu compliqué. Et puis pour le maintien, pour l'instant, Bochum 21 points, Kiel 22 points, Heidenheim, donc le barragiste, pour l'instant 25 points. Et Hoffenheim, donc qui pour l'instant a 30 points, donc qui est assez tranquille, même s'il y a encore évidemment des points à prendre. Un mot sur ce qui nous attend sur la prochaine journée, ce sera la 32e journée. Alors, justement, ça risque de se décanter, hein. Ça va bouger, ouais. Ça va bouger, puisqu'alors, on a des matchs importants partout, enfin, dans beaucoup de matchs, en tout cas, Leipzig-Bayern. Alors, pour le Bayern, c'est le match du titre face à Leipzig qui, vient de perdre et, a besoin de points, bien sûr, pour la Ligue des Champions, donc ça va être un match important. Samedi, c'est à 15h30. On a également, qu'est-ce qu'on peut cocher? Fribourg-Leverkusen, peut-être. Bien sûr. Pas mal, ça. Bien sûr, pour Fribourg, Leverkusen, encore une fois, on l'a dit, hein, qui a officiellement, on va dire, voilà, acté sa deuxième place. Mais pour Fribourg, effectivement, c'est un match primordial. Et voilà, pour essayer d'assurer cette quatrième place. Pourquoi pas essayer d'aller chercher la troisième, en tout cas, s'assurer potentiellement une place en Ligue des Champions. Donc ça, c'est un match capital pour eux, c'est sûr. Et puis le dernier match hein, du week-end, hein, Mayence-Francfort. Francfort, pareil, pour assurer sa troisième place et sa place en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Et Mayence pour justement essayer d'aller chercher une place en Europe. Donc voilà, c'est trois gros matchs, on va dire, à noter ce week-end. Ouais, Fribourg-Leverkusen, c'est dimanche 17h30. Et puis là, pour fermer la journée à 19h30, Mayence-Francfort. Voilà les matchs qui nous attendent donc sur ce week-end allemand. File en Italie maintenant pour la Serie A. Je vous le disais tout à l'heure, changement de leader en Italie, puisque l'Inter est tombé. On en parlera avec les champions. C'est pas évidemment de bon augure avant le duel de mercredi face au Barça, qui tombe face à l'AS Rome, face à la Roma, 1-0. Pour la Roma, évidemment, c'est un très bon résultat, hein, qui enchaîne une deuxième victoire consécutive après la victoire la semaine passée à Vérone. Face à Vérone, c'était à domicile. Donc deuxième victoire consécutive, ça permet de revenir sixième. Voilà, au-delà du classement, on n'a pas vu un gros Inter. C'est vrai, on a. Alors est-ce que c'est aussi peut-être, on va en parler de Paris. Hein, c'est un petit, peut-être le syndrome aussi qui s'est passé pour Paris. Est-ce qu'on a déjà la tête à la Ligue des Champions? C'est possible. En tout cas, il n'y a pas eu un gros Inter, un gros Martinez comme on avait pu le voir sur les derniers week-ends. Et puis l'AS Rome qui a fait le match parfait, mais qui a fait le match qu'il fallait, qui suffisait pour gagner, et qui permet, c'est très important pour eux évidemment, d'aller chercher encore des points importants maintenant qui n'est plus qu'à 2 points de la Ligue des Champions. Donc alors rappelle-toi la Roma, on avait parlé il y a quelques semaines de ça, peut-être même moi, qui était loin du compte, hein, en milieu de championnat. Ouais, on disait aussi là dernièrement, c'est que la Roma, ils sont sur une lignée de lancers exceptionnelle. Ils ont perdu plusieurs matchs en coupe ou en C3 en Europa League, mais en championnat, ils ont plus perdu depuis le 15 décembre. C'était à Côme, défaite 2-0, et depuis ils ont plus du tout perdu. Donc là c'est vrai qu'ils sont sur une série, sur une lancée énorme, et ils tiennent à chaque fois, même contre les gros, contre leurs adversaires directs, et ils tiennent le score où ils viennent s'imposer. Et c'est vrai que la Roma est excellent depuis la reprise, depuis la trêve, depuis la seconde partie de saison, depuis le début. Et on l'a vu encore là, oui, face à l'Inter, la Roma qui a été plus dangereux, même si le ballon a beaucoup été dans les pieds milanais, interistes, la Roma qui a tenté plus de fois de tirs au but, hein, c'est 19 tirs à 17 hein, quand même dans ce match, alors que la possession est de 70-30 pour l'Inter. Voilà, ça en dit beaucoup aussi, la Roma qui est très dangereuse, qui revient encore une fois, enfin qui revient du coup, mais qui est extrêmement bien depuis 4 mois à peu près. Voilà, c'est logique. Après, tu le disais, oui, l'Inter, c'est un peu peut-être le syndrome du PSG, effectivement. Est-ce qu'ils ont déjà la tête un peu à la LDC? Mais en même temps, il y a le titre à aller chercher. Donc bon, ouais. Contrairement au PSG, le PSG c'est déjà fait depuis des semaines. L'Inter, non. Voilà, est-ce que c'est plus aussi de la fatigue physique, mentale? Il y a de ça aussi, peut-être. Mauvaise gestion, peut-être aussi des joueurs. Voilà, après, il y a peut-être beaucoup de choses à approfondir, à aller creuser pour cette méforme de l'Inter, mais en tout cas, c'est sûr que ça, c'est cette défaite contre la Roma, on va encore plus en parler après avec le match de Naples, mais c'est une très très mauvaise opération pour eux. Ouais, très clairement. Et deuxième point noir au-delà de cette défaite, c'est la sortie sur blessure de Benjamin Pavard très tôt dans le match, hein, et qui manquera au moins la demi-finale aller face au Barça. Ça c'est sûr, et pour plus on va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant c'est sûr qu'il va manquer, donc c'est vraiment un match à oublier, et donc on va suivre ça bien sûr avec attention, voir un petit peu comment va évoluer la blessure du français. Tu le disais, c'est d'autant plus dommageable puisque le Napoli derrière a gagné face à Torino, évidemment c'était l'opportunité, l'aubaine pour repasser devant, et c'est dû surtout à un McTominay en feu, encore doublé pour lui, voilà, qui permet à Naples de prendre les commandes. Alors globalement Naples qui a dominé le match face au Torino, hein, un petit peu dans tous les secteurs du jeu, et c'est, voilà, c'est assez logique cette victoire. Bon, elle est vraiment due à McTominay pour le coup sur ce match là, mais c'est C'est important pour le Naples qui prend 3 points d'avance. Alors ça c'est déjà beaucoup, hein, mais alors il reste 4 journées, c'est aussi beaucoup, mais rappelons que Naples n'a plus que ça à jouer, hein. N'a pas de compétition européenne, à la différence de l'Inter qui aura encore 2 matchs sûrs à jouer, et pas face à n'importe qui, face au Barça. Donc ça peut aussi laisser des traces, donc surtout que le Barça, on va en parler, toujours en lice pour un triplé, donc ils vont d'autant plus être motivés. Donc voilà, Naples peut-être qui a peut-être pris un avantage définitif, l'avenir nous le dira, mais Et puis Naples au niveau calendrier, sur ses 4 derniers matchs, c'est des adversaires prenables, hein. Oui. Lecce, Genoa, Parme et Cagliari, c'est y a pas de cadeau, c'est largement leur faveur. Donc, oui. Franchement, entre guillemets, ils ont bien sûr leur destin entre leurs mains, ça c'est bien sûr. Mathématiquement parlant, évident, mais au-delà de ça, voilà, ils jouent des équipes largement à leur portée, du milieu de tableau, même de seconde partie de tableau. Oui, puis pour certains qui jouent pratiquement plus rien, le Genoa 13e joue plus rien. Ouais. On a Lecce, Parme, c'est quasiment pareil. Qui d'ici là sera peut-être sauvé aussi. A priori, il reste, ce sera l'avant-dernier match, donc voilà. Lecce là qui joue encore le maintien. Et puis on l'a dit ensuite, Cagliari aussi peut-être un peu, mais bon. Qui sera peut-être sauvé, c'est la dernière journée qui sera peut-être sauvé. Donc c'est effectivement un calendrier qui est plutôt favorable. Et c'est à eux de faire le job, mais ils ont les cartes en main. Ouais, tout à fait. Et puis on n'en a pas parlé la semaine passée. Enfin, on n'était pas là, c'est normal. c'est assez logique. C'était au moment où Naples et Inter étaient à égalité, et on a remis sur le tapis le fait que en cas d'égalité en Italie, on joue une finale en fait, hein, pour le championnat. Donc c'est bon, ça peut encore se faire, hein, bien entendu. Mais c'est une règle qui est assez dingue quand même, qui est assez unique aussi d'ailleurs. Il n'y a qu'en Italie que ça se fait, et je crois que ça s'est arrivé une seule fois, hein, dans les années 60 ou 70, j'ai plus exactement la date en tête, mais on pourra assister à une finale, ce qui est quand même fou de se dire, tu joues un championnat sur un match, quoi. Ouais, moi je suis totalement partisan de ça, parce que, pour l'entertainment, comme on dit, en tout cas le divertissement, de jouer une finale, c'est sur un match sec comme ça, je trouve ça intéressant. Alors, je pourrais aussi entendre ceux qui sont plus ou moins contre sur le fait que t'as toute une saison pour performer, t'as toute une saison pour performer contre l'équipe en question avec qui t'as égalité, pour te faire un bon goal average par rapport à l'autre. Oui, effectivement. Maintenant, je pense que il y a tellement de faits de jeu dans une saison, il y a tellement de hasard aussi parfois que forcément que des fois t'as des matchs où t'es moins bon parce que plein de choses, parce que tu cumules les matchs, tu cumules les compétitions, parce que t'as un fait de jeu contre toi, parce que t'as le hasard qui est comme ça, parce que il y a une erreur d'arbitrage, parce plein de choses. Et donc en fait c'est des fois t'as un plus mauvais goal average par rapport à ton adversaire direct, mais encore une fois parce que t'as eu un fait de jeu ou un truc dans ta saison qui t'a un peu pourri ou qui t'a et au moins moi je trouve ça plus ou moins équitable ou égalitaire en tout cas de jouer une finale contre quand t'es premier ex aequo avec quelqu'un au nombre de points avec notre équipe. Je trouve ça bien, moi, de réaliser, de faire ce format de finale sur terrain neutre c'est sur terrain neutre ou sur le terrain du premier A priori, normalement la règle dit chez le premier, ouais, quand même, ouais. Mais là il était en question de jouer à Rome la finale, ouais, au Stade Olympique de Rome. Donc on n'y est pas, hein, parce que pour l'instant il n'y a pas d'égalité en cours, mais si toutefois ça se fait, il serait assez logique d'ailleurs d'aller jouer sur terrain neutre. Après ça, à la limite, c'est un peu plus discutable pour moi, mais je veux dire le format en tant que tel, moi je trouve ça intéressant, pas, et ouais. Ouais, très bien, ouais. Clairement. Bon, à voir, il y a encore 3 matchs pour que ça puisse se produire. Pour ça il faut que l'Inter reviennent déjà, et puis faut pas de Naples. Alors Inter revient sur 2 défaites, hein. C'est vrai qu'on n'avait pas parlé la semaine passée, il y avait la défaite à Bologne déjà, donc face à deux concurrents, et c'est les points qui filent pour l'Inter qui avait 6 points d'avance, hein. 3 d'avance pardon, et qu'il n'y en a plus, il y en a 3 de retard désormais. Donc attention, l'Inter ne pas tout perdre dans cette saison. On n'en avait pas parlé, mais qui a déjà perdu la Coupe d'Italie, hein, qui a perdu en demi-finale retour. D'ailleurs, face au Milan, c'est 3-0, hein, donc ça a été une semaine compliquée, hein, pour c'est vrai qu'on n'a pas parlé de cette Coupe d'Italie, mais qui a eu la semaine dernière, et l'Inter qui a été éliminé 3-0 et qui a perdu derrière face à face à la Roma. Donc ouais, c'est vraiment une semaine très compliquée pour l'Inter, qui a perdu déjà un titre, c'est sûr, et peut-être un deuxième avec cette défaite ce week-end. Et puis tiens, en passage, c'est Bologne qui s'est qualifié du coup dans l'autre demi-finale face à Empoli. Donc Milan AC Bologne, ce sera le 14 mai prochain cette finale. Voilà, donc ça permettra à l'un ou l'autre de raccrocher un premier titre. Et puis pour le Milan AC, peut-être de se qualifier via cette Coupe d'Italie, parce que pour l'instant ils sont 9e, hein, donc ils sont hors classement pour se qualifier, ils sont assez loin. De toute façon, c'est quasiment plus que leur seul moyen d'aller accrocher une Coupe d'Europe. Ils sont assez loin, effectivement, et en Serie A, à revérifier, mais je crois qu'il y a que les 6 premiers également qui sont qualifiés, hein, donc oui, c'est ça. Voilà, ça semble compliqué maintenant. Donc voilà, ce sera peut-être leur ticket d'entrée pour Bologne. Bah, a priori, même si on n'y est pas, ils peuvent encore aller chercher une Ligue des Champions. Terminons avec donc les autres matchs. On avait également la Juve qui recevait Monza, victoire 2-0 de la Juve, qui pourtant a été réduit à 10, hein, dans cette rencontre, assez tôt d'ailleurs dans le match. C'était au retour des vestiaires pour une main dans le visage de Ildiz, donc assez logique, hein, cette expulsion. Mais le boulot avait déjà été fait, hein, pour la Juve, qui avait marqué deux fois, hein, par l'intermédiaire de Gonzalez d'abord après 10 minutes de jeu, et puis surtout par Colomouani. Je ne sais pas si tu as vu un petit peu le match de Colomouani, qui a été assez présent sur ce match, qui a eu plusieurs occasions et qui a eu ce but à la 33e, donc qui a pesé un petit peu dans la balance cette rencontre, et victoire assez logique, et malgré cette réduction de l'effectif, et surtout importante, puisque ça permet à la Juve de rester accrochée à cette Ligue des Champions à la faveur du match nul de Bologne, hein, tout à l'heure, hein, c'était face à Udinese. Bah, d'ailleurs, la Juve et Bologne qui se rencontrent le week-end prochain. Donc, et ouais, très important. Ça, c'est très important. Juste pour dire oui, deux mots sur Colomouani, juste. J'ai pas trop suivi là le match déjà en tant que tel, et puis j'ai pas trop vu de retour, mais effectivement, si tu me dis que toi qui as plus suivi du coup qu'il a fait un bon match, il a été buteur effectivement sur le second but de la Gaïda, mais c'est peut-être une bonne chose pour lui déjà qu'il ait fait un bon match, et potentiellement qu'il fasse peut-être qu'il se remette un petit peu en confiance en cette fin de saison dans ce dernier rush, parce que la tendance actuellement depuis quelques semaines, c'est que la Juve pourrait ne pas le garder finalement, oui, malgré sa bonne arrivée et ses très bonnes performances dès qu'il arrivait cet hiver. Mais là, ça fait voilà plusieurs matchs qu'il enchaînait sans plus trop briller, en étant fantomatique. Et la tendance, comme je le disais, était plutôt à ce que la Juve ne le retienne pas et qu'il reparte à Paris pour on ne sait quel encore futur. Donc c'est peut-être une bonne chose pour lui, à voir encore une fois comment il va enchaîner dans les prochains matchs. Mais effectivement, dans un match comme celui qui arrive contre Bologne, dans un match capital pour la course à la Ligue des Champions, il va falloir qu'il continue à se montrer. Donc voilà, c'est un petit peu sa saison, enfin son futur qui se joue là, notamment sur la semaine prochaine, sur le week-end prochain. Exactement. Pour Colomani, voilà, qui a été buteur du coup, et qui permet à la Juve notamment de gagner 2-0. Et donc voilà, du fait que Bologne fait match tout à l'heure, et bien Bologne perd sa quatrième place aux dépens de la Juve. Donc ça y est, la Juve est virtuellement Ligue des Champions. Ça n'avait pas été le cas depuis très longtemps au classement. Donc là, c'est pour le moment le cas. Et un dernier résultat, c'est le match de Bergame. Là aussi, pas un très bon résultat, même si il reste bien accroché pour l'instant à la troisième place face à Lecce, qui pour le coup prend un point très important au classement, qui permet de prendre deux points d'avance sur la zone rouge. Un partout donc, c'est deux pénaltys, ça s'est joué sur deux pénaltys. Lecce d'abord couvre le score à la 29e, et puis c'est Retegui qui permet à Bergame d'arracher un point sur pénalty également. C'est une histoire de pénalty ce match, malgré l'ultra domination de Bergame, hein, 75% de possession, donc c'est plutôt très logique. Et 21 tirs à 10, dont seulement 6 cadrés, donc ça peut expliquer aussi le peu de buts. Et donc voilà, c'est plutôt nomination à Bergame, mais pas de victoire. Et ça pourra compter peut-être sur la fin du championnat, ces deux points de perdus, et ils en possèdent encore 4, hein, sur la 5e place, donc rien de grave, mais attention sur les prochains matchs à ne pas reproduire ces matchs-là face à des équipes qui jouent pour le coup aussi des choses, donc ça semble aussi logique. On en parlera aussi avec la Ligue 1 de tout à l'heure. Il y a eu des scénarios un peu similaires dans des matchs où les deux équipes jouaient des choses différentes, mais avaient des enjeux. Et on a vu des surprises. Donc c'est pas illogique non plus de voir les Chiefs prendre ce point. Et voilà, le calendrier de Bergame derrière, on a la Roma qui sera importante parmi les quatre derniers matchs. Donc ce sera des matchs qui vont compter. On en reparlera bien sûr. Voilà pour les résultats de cette 34e journée. La Lazio, donc, c'est toujours en direct 1-0, toujours face à. Enfin, qui perd toujours 1-0 face à Parme. Et puis Cagliari, on n'a pas dit, mais a ouvert le score face à Vérone, 1-0, donc. Et ça permet pour l'instant Cagliari de sortir, de donner un petit peu d'air sur la zone rouge. Voilà les résultats en direct. Le classement donc de cette Serie A, c'est Naples donc, qui a pris les commandes avec 74 points, l'Inter 71 points, le Bergame est troisième avec 65 points, la Juve quatrième 62 points, Bologne chute et cinquième avec 61 points, la Roma 60 points, septième c'est la Lazio avec 59 points, la Fiorentina peut encore espérer des choses, on l'a pas dit, mais a gagné 2-1 face à Empoli, très important aussi ces 3 points qui permet de rester et de croire toujours à l'Europe, hein, ils sont vraiment accrochés. Et puis on l'a dit, Milan AC, malgré sa victoire 2-0 à Venise, reste 9e puisque tout le monde a gagné devant, hein. Donc évidemment ça n'a pas eu grosse incidence cette victoire, et reste 9e avec 54 points, donc désormais 6 points de retard sur la première place qualificative. Donc tu l'as dit, hein, la seule chance ce sera probablement la finale de la Coupe d'Italie. Et puis après il y a un vrai écart, hein, pour les autres parties du 10e, Torino, il n'y a plus rien à jouer, et jusqu'à a priori la 16e place, Cagliari 30 points, Lecce 27, Venise 25, Empoli 25, et puis Monza 15 points, qui est pratiquement relégué, même si c'est pas encore le cas mathématiquement, mais ça va maintenant être évidemment trop compliqué pour eux. Voilà pour les matchs de ce week-end. Ce qui nous attend, eh bien, le week-end prochain. Ça va se jouer de vendredi à lundi, on aura des matchs tout le week-end. Tu l'as dit, on aura Bologne-Juve. Ça, c'est le match. Ça, c'est une chose. C'est dimanche, pas 45. C'est ça. Et puis, deux, trois heures avant, à 18h le dimanche, AS Roma Fiorentina. Oui. Justement, toujours dans cette course à l'Europe. Un point d'écart entre les deux, ouais. Exactement. Donc, gros match en perspective. Et sachant que je le regardais, justement, on parlait de la Roma, de leur forme actuelle. Ils ont enchaîné 4 gros matchs. Hein, et même, je regardais, du coup, même avant. Depuis le 6 avril, hein, depuis le début du mois, où ils ont affronté la Juve, ils ont fait un partout. Il y a eu ensuite le derby, une semaine après, face à la Lazio, un partout. Ouais. Après, il y a la victoire 1-0 contre la Vérone. Ensuite, là, ils ont joué l'Inter ce week-end, où ils ont gagné 1-0. Donc là, il y a la Fiorentina, encore un autre adversaire du haut de tableau. Après, c'est la Atalanta, ouais. On parlait aussi. Exactement. Après, c'est l'AC Milan. Et oui. L'AC Milan, on l'a dit, est mal classé, mais reste l'AC Milan, et voilà. Et dernière journée, peut-être un peu plus propice, un peu plus dans leur gamme, mais c'est quand même le Torino. Qui n'aura normalement encore plus rien à jouer comme maintenant, mais ça reste encore un gros calendrier là depuis le début d'avril que possède la Roma. Alors pour l'instant ils s'en sortent très bien, ouais. Mais attention à ne pas s'essouffler en fin de saison et voilà, essayer de continuer cette grosse série. Mais effectivement, il y a encore beaucoup de suspense aussi dans tout ce haut de classement. Exactement. Et là ça va être déterminant, c'est deux trois prochaines journées qui arrivent. Et la Roma, qui va devoir continuer sa grosse série, en tout cas, mais c'est vrai que ça avait des adversaires très costauds qui arrivent derrière. On referme cette page italienne, on a pris un peu de temps, mais il y avait beaucoup de choses. On file en Espagne, on va essayer de regretter un peu de temps avec ce championnat espagnol. Alors, les matchs de la journée, c'était en milieu de semaine, cause de la finale de Coupe du Roi, on en parlera dans un instant. Les trois matchs, le Barça, le Real et l'Atlético, je te laisse la main. Chronologiquement, on va dire ça comme ça, avec le Barça qui s'est imposé seulement 1-0 contre Mallorca. Du coup, j'ai envie de commencer par parler de Mallorca, hein, qui peut vraiment se contenter largement de repartir avec une aussi petite défaite, hein, tant le Barça aura surdominé ce match. 40 tirs tentés à 4. Incroyable. C'est énorme, c'est 10 fois plus. 12 arrêts effectués par Léo Roman, hein, le gardien de Mallorca. 12 arrêts, c'est gigantesque aussi. Il y a pas mal de maladresses aussi quand même côté barcelonais. Voilà, on va pas non plus être mauvaise langue. Seulement 12 tirs cadrés justement sur les 40 hein, en question. Mais voilà, au-delà de ça, le Barça, je l'ai dit, a dominé sur dominé ce match avec un gros match de Pedri qui a été énormissime hein, dans la distribution, dans sa vision du jeu, sa vista, c'est énorme. Yamal aussi qui a quand même fait un beau match. Daniel Mo, hein, le buteur. Gavi, même Ansu Fati, voilà qu'on a revu parce que Barça a un petit peu fait tourner forcément sur ce match-là avant la finale de la Coupe du Roi qu'on va débriefer après. Ansu Fati, j'ai quand même trouvé ouais intéressant, même si bien sûr il a toujours pas du tout retrouvé son niveau d'avant, enfin quand il a débuté dans le monde professionnel avant sa grosse blessure il y a quelques saisons. Voilà, une première période ultra dominée sans marquer, hein, le Barça qui va ensuite vite ouvrir le score grâce à Daniel Mo, je l'ai dit, 40 secondes après le début de la seconde période. Voilà, une victoire logique du Barça, un petit bémol quand même peut-être pour eux, c'est encore une fois défensivement aussi, parce que sur les 4 tirs de Mallorca, bah, la défense elle y est pas pour rien, il y a des mauvais alignements, des espaces. Et mine de rien, c'est les 3-4 pauvres tirs, la plupart du temps, ils étaient quand même relativement dangereux. Donc le Barça qui s'en est pas trop mal sorti sur ces 3-4 occasions. Mais voilà, le Barça a largement dominé ce match, a ses 3 points très logiquement, et il reste maintenant à 4 points devant le Real justement, qui a toujours largement son destin donc entre ses mains pour aller chercher ce titre, les Blaugrana. Donc voilà, une victoire, une très belle victoire pour eux. Le Real justement qui s'est imposé sur le même score, 1-0. Face à Getafe dans un derby madrilène justement, Getafe dans la banlieue madrilène. Alors c'est pas le même match, hein, le Real qui s'impose sans briller pour le coup, certes en ayant fait tourner aussi comme le Barça avant la finale de la Coupe du Roi, mais donc en ayant souffert, hein, le Real qui a vraiment souffert, mais grâce à un très beau but de sa pépite turque Arda Güler, voilà les 3 points le plus important a été pris. Mais le Real qui a quand même encaissé 20 tirs hein, de son voisin justement Getafe, avec une défense toujours aussi friable, voilà, j'ai même pas besoin d'en reparler, on va peut-être en dire encore plus dans la finale de Coupe du Roi de ce week-end. Et Courtois, voilà, qui a même dû s'employer en toute fin de match hein, pour éviter le match nul dans l'enceinte de Getafe. Et je le disais, donc le Real qui reste à 4 points du Barça et qui est quand même toujours dans la course au titre. Mais il reste 4 matchs seulement, 4 points, c'est quand même pas mal hein, quand il reste 4 matchs face à un Barça encore très en forme, même si c'est parfois encore lassé à jouer encore Ligue des Champions. Donc voilà, attention au Barça de pas perdre des plumes, mais le Real non plus n'est pas convaincant, mais ils sont toujours là quand même. Et puis oui, terminons par l'Atlético Madrid hein, qui pareil jouait un derby madrilène hein, contre le Rayo Vallecano. Là pour le coup, victoire nette et sans bavure, hein, 3-0 de l'Atlético. Un bon match hein, justement des Colchoneros qui se rachètent après leur défaite face à Las Palmas la semaine dernière. Un match classique hein, quand même de l'Atlético hein, qui ne se procure pas énormément d'occasions, mais qui a été diablement efficace hein, avec un très bon Julian Alvarez qui a marqué le troisième but, tout comme les deux buteurs précédents, hein, Sorloth et Gallagher. Griezmann aussi qui a plutôt fait une bonne entrée hein, à l'heure de jeu. Et il a signé une passe D justement sur le troisième but d'Alvarez. Voilà, ça fait du bien aussi de voir Griezmann un petit peu. C'est peut-être pour ça aussi qu'il était. Il n'a pas commencé le match, peut-être parce qu'il est vraiment moins bien depuis plusieurs semaines, depuis quelques mois même, hein, peut-être. Depuis ce début de seconde partie de saison. Mais voilà, c'est une bonne entrée, je l'ai dit, signé une passe D, il a été très présent. Et donc voilà, l'Atlético qui, en remportant ce derby, conforte sa troisième place en comptant 6 longueurs d'avance sur Bilbao, quatrième, et qui sont à 6 points du Real, deuxième. Voilà, ça va être compliqué d'aller chercher le Real, mais voilà, l'Atlético qui devrait conforter, qui devrait se terminer sa saison, même s'il reste 4 matchs, encore une fois, ça peut jouer beaucoup, mais qui devrait tranquillement rester sur la troisième marche du podium. Ouais, c'est bien installé maintenant. Effectivement, avec ce troisième place qui est loin devant. Alors, en plus, l'Espagne, c'est 5 qualifiés en Ligue des Champions. Donc, voilà, c'est plutôt confortable. Justement, le classement, donc, tu l'as dit, hein, le Barça avec 4 points d'avance sur le Real, 76 pour 72, l'Atlético 66, Bilbao 4ème 60. C'est pour l'instant Villarreal qui a la dernière qui pour Ligue des Champions avec 55 points, mais le Betis CI est pas loin, hein, 54 points. Après, ça va être trop loin puisque Celta Vigo est à 46 points, donc a priori, hein, cette cinquième place se jouera entre ces deux-là. Osasuna qui est huitième, donc là aussi c'est qualificatif pour l'instant. Et Villarreal qui a pris comme une claque hein, mercredi dernier, 3-0 à Vigo. Ouais. Alors que le Betis au contraire a mis une claque à Valladolid 5-1. Donc c'est pour ça que ça relance beaucoup, oui, cette cinquième place effectivement. Oui, tout à fait. Et Vigo qui en profite pour prendre la septième place, là aussi qualificative pour l'Europe. Osasuna qui est aussi avec la huitième. Mallorca peut encore espérer. La Real Sociedad aussi. Rayo Vallecano, tout ça c'est encore possible. Il y a 4 journées, donc c'est encore largement possible. Et puis en bas, pour l'instant, Las Palmas, Leganés, puis Valladolid, bah voilà, qui est sur une série incroyable, donc 16 points. Là aussi, c'est pratiquement terminé. Même si mathématiquement ça ne l'est pas encore, mais ça le sera peut-être normalement ce week-end. Justement, le week-end qui nous attend, avant de parler de la finale de la Coupe du Roi, ce sera la 34e journée. Eh bien, là aussi, des matchs vendredi jusqu'à lundi. L'Atlético ira à Alavés. Le Barça ira à Valladolid. Donc voilà, on le disait, hein, pourquoi ce sera peut-être fini, parce que ce sera le Barça en face. Donc le Barça qui ne va pas lâcher des points comme ça face à Lanterne Rouge. Et puis le Real recevra Vigo samedi soir. Voilà donc les trois matchs des trois gros pour le week-end. Et puis attardons-nous maintenant sur cette finale de Coupe du Roi qui avait lieu samedi soir. Très tendue en amont de cette finale, et puis pendant cette finale jusqu'au bout des prolongations, un classico comme on les aime ou pas, en tout cas dans la finalité, avec beaucoup de cartons rouges, beaucoup de tensions, et un Barça qui s'impose et qui remporte l'un des trois titres possibles encore pour eux, et le Real qui finira peut-être cette saison sans titre. Tout à fait. Honnêtement, je sais même pas trop par où commencer, parce que voilà, ce match a été long, tu l'as dit, jusqu'à la fin des prolongations. Ouais, je sais vraiment pas trop par où commencer. Globalement, le Barça, déjà, voilà, commençons un petit peu par la fin peut-être. Le Barça qui mérite amplement quand même si encore une fois ils ont été aux prolongations. Mais cette équipe-là est quand même, on le voit, on l'a encore vu quand même ce week-end, samedi soir. Le Barça qui est largement au-dessus cette saison du Real, il n'y a rien à dire. Le Barça joue au foot, le Real essaye de survivre finalement, même si il y a 1-0 avec cette ouverture du score de Pedri à la 28e. Voilà, le Barça qui a relativement maîtrisé cette première période en général. Il y a une bonne entrée de Mbappé, hein, pour le coup, en seconde période, qui a fait du mal et qui a permis justement de l'égaliser à la 70e. Et puis dans la foulée, 7 minutes plus tard, un autre Français qui donner encore plus d'espoir de titre pour le Real, Tchouaméni qui marque le 2-1 à la 77e, et puis c'est quand même vite reparti aussi dans l'autre sens, Ferran Torres qui vient égaliser à 2-2 à la 84e, mais c'était relativement logique dans ce match. Barça encore une fois, ouais, qui reste au-dessus sur la plupart des compartiments du jeu, et puis cette prolongation, mais enfin, parce que oui, j'en ai pas parlé aussi dans le temps réglementaire, mais déjà même l'avant-match où on a vu l'arbitre au bord des larmes, quand même alarmé en parlant notamment de son fils qui se faisait même insulter à l'école parce que justement l'arbitre était déjà décrié par les fans du Real, par même le staff, par le club. Déjà ça c'est honteux, mais c'est pas la première fois cette saison. On voit le Real depuis le début de saison complètement s'acharner sur les différents corps arbitraux espagnols. J'allais dire à tort ou à raison, mais dans tous les cas non, il n'y a pas à montrer cette image-là, surtout quand il y a une institution comme le Real. Là c'est vrai que c'est vraiment une saison cataclysmique pour le Real, je parle surtout en termes d'image, alors dans le jeu aussi, effectivement, bon, voilà, le Real finit pas dixième de Liga, il va sûrement finir deuxième, bien sûr. Cataclysmique, c'est à bon escient, enfin, voilà, c'est vis-à-vis de la stature du Real, encore une fois, etc., etc. Mais dans l'image, tout au long de la saison, croire renvoyer ce Real Madrid, c'est catastrophique. Et puis rien qu'en voyant encore la réaction en fin de match de Rudiger, justement, qui jette un, je sais même plus c'est quoi, quel objet, une espèce de glaçon, ouais, enfin voilà, sur l'arbitre de loin, qui, en plus, on le voit, même, il prend le rouge, et alors il est en furie, je ne sais plus quel coéquipier qui le retient, comme s'il allait aller frapper l'arbitre, ou je ne sais quel joueur barcelonais, enfin, c'est chaotique, c'est cataclysmique, il n'y a pas d'autre mot, c'est catastrophique pour l'image du Real, mais, et même pour lui, enfin, et c'est pas la première fois de la saison qu'il pète des plombs comme ça, c'est ça le pire. Et il retient pas les leçons, il comprend pas que c'est en aucun cas bénéfique, autant pour lui personnellement que pour le club, que pour son futur, que pour tout ce qu'on veut. Ça lui ramènera pas des trophées, ça lui ramènera pas de la cote, ça lui ramènera rien du tout, au contraire, là on le voit, parce qu'en Allemagne, il est extrêmement décrié, depuis son pétage de plomb encore ce week-end. Il y a beaucoup de journaux, beaucoup, même le sélectionneur, qui se demande vraiment si ce genre de tempérament et même tout Rudiger qu'il est, et encore, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire sur son jeu, même footballistiquement parlant, défensivement. Mais voilà, l'Allemagne, le sélectionneur se demande si voilà, il faut encore le sélectionner pour les prochaines échéances à venir. Ouais, mais tant qu'il n'y a pas de sanctions, je pense qu'il va pas comprendre, malheureusement. Ah mais le problème c'est qu'il a plus 20 ans Rudiger quoi. Ouais, c'est ça le pire en fait. Ouais. C'est qu'à un moment est-ce que c'est pas une cause perdue au final? Ah, t'as 32 ans, t'as beaucoup d'expérience derrière toi, t'as quand même gagné des gros trophées aussi. Puis en plus ça tu prends un rouge, t'es même pas sur le terrain, t'es sur le banc quand t'es déjà sorti. C'est ça aussi le truc, c'est qu'il est même plus. Si il est encore dans l'euphorie du match, parce que forcément c'est sur le banc, t'es avec une match, mais je veux dire t'es même plus sur le terrain en soi. Et tu sens en fait, mais en fait ce pétage de plomb, c'est parce qu'il sent que c'est plié déjà. Il, voilà. Oui. Bien sûr, à la 120e, c'était quasiment déjà plié avec ce but de Koundé d'ailleurs. Héroïque hein, Koundé aussi dans ce match, notamment avec ce but pour le 3-2, qui réalise pour le coup une très bonne saison, Koundé avec le Barça aussi, parlant positif aussi. Mais voilà, enfin j'ai fait un peu tout dans le désordre parce qu'il y a tellement de choses à dire, voilà, mais ce Real là qui vraiment c'est une saison à oublier. Hein, et comme j'ai dit partout, mais il y a tout à revoir sur la politique, sur il y a pas mal de je pense de joueurs de profil à mettre de côté, enfin en tout cas essayer de s'en séparer lors du mercato qui va arriver là cet été. Il y a des postes à renforcer, il y a un coach qui de toute façon va partir, probablement pour Xabi Alonso, probablement, très probablement. Ou peut-être Jurgen Klopp, c'est dans les tuyaux exactement. En tout cas, c'est probablement le seul club qui pourrait faire ressortir de sa retraite Jurgen Klopp, un club qui avait dit à la base à son départ de Liverpool qu'il n'entraînerait plus. Mais c'est probablement voilà le Real, le seul club qui pourrait le faire ressortir, revenir. Enfin bref, mais ce Real, il y a tellement de choses à changer là lors de l'intersaison. Et puis même Rudiger, je pense que moi à un moment faut s'en séparer. Moi, voilà, ce genre de comportement, c'est inadmissible. À la limite que ça arrive une fois dans la saison et encore, c'est inacceptable. Mais un petit pétage de plomb, à la limite ça peut arriver. Là, c'est pas la première fois. C'est un classico, c'est une finale de Coupe du Roi, t'es regardé dans toute l'Espagne, dans presque partout dans le monde, parce que ça reste un classique, justement, ça reste the match en Espagne, en Europe, dans le monde aussi. Enfin ouais, il y a beaucoup de travaux à venir au Real, mais encore une fois, bravo au Barça qui réalise une énorme saison, qui n'a pas fini sa saison européenne, qui reste en très bonne posture en championnat, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure pour le titre. Voilà, en tout cas le Barça qui a une très grande saison, qui a une très belle équipe, et non, pour le Barça, il n'y a rien à dire, c'est exemplaire, surtout. Voilà, Hansi Flick a vraiment mené jusqu'ici, mené cette équipe d'une main de maître, et voilà, et c'est un trophée plus que mérité, et peut-être qu'il va en appeler d'autres, j'ai dit, jusqu'à la fin de saison, en espérant pas la Ligue des Champions, en espérant que le PSG aille au bout, mais on va en parler tout à l'heure aussi, mais voilà. C'est le contraste, c'est ouf, hein, mais c'est vraiment le contraste. Le Barça, le Real cette année, c'est vraiment le yin et le yang, quoi. C'est le blanc et le noir. Ouais, clairement. Mais là, il risque de faire une saison blanche. C'est pas arrivé depuis un moment, à mon avis. Hein. Pour le Real. Ouais. Faudrait regarder, ouais. Bah après, enfin, saison blanche. Ils ont gagné la Super Coupe d'Espagne, d'Europe. Et si, d'Espagne aussi, non? Attends, non, c'est le Barça qui. Ouais, c'est alors, ça. Super Coupe d'Europe. Ouais, c'est tout alors. Le Super Coupe d'Europe, ils l'ont gagné en début de saison, ouais. Oui, face à. Je sais même pas. C'était le premier match de Mbappé, je crois. Donc, c'était pas l'an dernier? Non, c'était cette année. Ah non, c'était cette année, ouais, oui. Oui, c'était en 2024 encore. Oui, oui, oui. Contre l'Atalanta. Ah, ouais, c'était en 2024. Et la coupe du monde des clubs, peut-être aussi. Ils ont gagné cette année. Il y a eu ça, du coup, cette année? Mais non, il n'y a pas eu cette année. Ça. Alors, je sais plus. Parce que si City, je crois, ils sont champions en titre. Enfin, depuis 2023, donc attends, tu me fous doute. Tu me fous doute. Ah, vérifier. S'il n'y a pas été. Ah, si, peut-être, oui, t'as raison. Peut-être. C'était quoi? Ah, non, je sais plus. Ah, parce qu'il y a le mondial des clubs, mais il y a aussi le. Bah, là, il y a la Coupe du Monde des clubs, vraiment, sous un nouveau format, bien sûr, qui arrive cet été. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu, demi-finale et finale comme avant aussi, cet hiver? Ouais, si tu peux revoir ça, je sais plus. Je sais plus. Il y a tellement de matchs, en vrai, mais ouais, même nous, on suit le max, mais il y a tellement de matchs que. Tellement de compétitions. On s'y perd aussi, ouais. Je sais plus quand est-ce qu'ils avaient gagné une. Si, il y a eu un mondial des clubs, il me semble bien. Ouais, je crois, ouais, oui. Le format habituel. C'était en décembre. Ils avaient gagné 3-0. La coupe, maintenant, c'est la coupe intercontinentale, c'est ça, maintenant qu'on doit l'appeler, justement. En gros. C'est plus la coupe du monde des clubs, c'est ce qu'on va avoir cet été. Oui, oui, non, ça s'appelle c'est la coupe intercontinentale, ouais, qu'on a appelé avant la coupe du monde des clubs, ouais. Voilà, justement. Oui, c'est ça. Enfin, voilà, ça pour dire que oui, c'est pas une saison blanche à proprement dit pour le Real, mais sur les trophées principaux, effectivement, oui. Coupe, championnat et LDC, oui, là, oui, ce sera saison blanche. Ouais. Et c'est bon blanche pour la Maison Blanche, c'est beau. Exactement, ouais, ça va bien ensemble. Et puis, le Barça, premier titre, non, c'est le deuxième, parce que bien sûr, il y a eu la Super Coupe d'Espagne déjà face au Real. Voilà, oui, du coup, ouais. Il y a eu finalement les quatre classicos étant remportés par le Barça, hein, cette saison. C'est logique. Oui, il y a rien à dire. Très logique. C'est ça le pire, c'est qu'il y a rien à dire. Ah non, c'est très logique. Donc, voilà, deuxième titre pour le Barça, il y aura peut-être un troisième avec le championnat. Et peut-être un quatrième, même si on espère qu'il sera du côté du Paris Saint-Germain, bien sûr. Voilà, pour clôturer avec l'Espagne, l'Angleterre, pour finir, c'est la mi-temps en Italie, dans les deux rencontres de Serie A, la Lazio face à Parme et Vérone face à Cagliari. Voilà, les deux matchs pour l'instant, donc 1-0 pour Parme et 1-0 pour Cagliari dans les deux rencontres. On va en Angleterre pour finir, on clôt une journée un petit peu tronqué aussi, il y a eu des matchs début de semaine, il y a eu des matchs en fin de semaine, un peu comme l'Italie, ça a été le cas. Alors l'Italie c'était un peu différent parce qu'il y avait des reports dus à la mort du pape. Hein. C'est pour ça qu'il y a eu des matchs qui ont été décalés aussi avec ce qui s'était passé le samedi. Donc c'est un peu différent là, c'est pour d'autres raisons, c'est parce qu'il y a eu la demi-finale de la Cup. On en parlera donc dans un instant. Avant ça, les matchs donc de City qui jouait mardi face à Aston Villa, puisqu'ils ont rejoué, on va en parler donc ce week-end. Victoire donc de City 2-1, qui va là aussi un succès qui va compter face à Aston Villa. Donc c'était un match de haut classé, hein, pour les deux. Il y avait des enjeux. City va rester accroché à cette Ligue des Champions. Aston Villa pouvait justement repasser devant City, et c'est City qui fait la bonne opération grâce à Nunes en toute fin de match. Ouais, tout à fait, tu l'as dit, un duel de haut classé pour la Coupe d'Europe, une belle confrontation en soi. Il y avait une belle entame de match justement des Citizens, avec un but assez précoce de Bernardo Silva, mais City qui ensuite un petit peu ralenti dans cette première période avec notamment un but égalisateur, hein, pour les Villans de Rashford sur penalty. Et voilà, City qui s'est pas montré du tout rassurant encore une fois en défense aussi, hein. C'est vrai qu'on le voit beaucoup chez les grandes équipes européennes, hein, des défenses très friables. Parce que au final, ouais, même moi quand je parle, j'ai l'impression d'être très répétitif, mais c'est le cas. Vraiment, la plupart des grandes équipes, des grosses écuries européennes, même si City fait pas une grande saison non plus, mais c'est vrai que les défenses sont souvent mises à mal. Et ça a été le cas aussi là, lors de cette première période pour City. Et même en seconde, ça n'a pas été simple pour eux. Aston Villa qui a bien défendu en bloc, très solidement. Mais City, ouais, tu l'as dit, avec un but au bout du bout, hein, de Matheus Nunes à la 90+4, qui vient arracher City cette victoire, effectivement très importante, hein, pour cette quatrième place, pour toujours cette Ligue des Champions pour l'année prochaine, parce que ça reste très serré devant et derrière. Hein, City, ouais, est à un point de Newcastle devant et à un point de plus de Chelsea et Forest derrière. Mais victoire, ces trois points ont permis justement de distancer Villa, effectivement, et City qui a maintenant 4 points d'avance sur Aston Villa. Donc une belle victoire entre justement pour distancer l'adversaire du jour, mais ça reste très serré. Hein. Ouais, c'est très serré, ouais. On en parlera en Ligue 1, mais c'est un peu le scénario équivalent, même s'il y a plus d'équipes qu'on concernait en Ligue 1, mais oui, c'est relativement serré. Il reste 4 journées encore dans cette saison. Arsenal qui jouait là aussi du coup mercredi, alors pas parce qu'ils ont joué en cup, c'est Crystal Palace qui a joué en cup. Pas de victoire, match nul 2 partout. Bon, pour Arsenal de toute façon c'est quasiment fait, hein. Cette deuxième place et elle est bien en place et ils se sont pas trop agacés, on va dire. Tout à fait. Oui, Arsenal qui a joué tranquillement. Cette deuxième place est pareil, hein, quasiment déjà acté pour eux. Ils ont vraiment voulu se préserver à une semaine justement du choc. Enfin, la semaine dernière, du coup, à une semaine du choc contre le PSG, donc demain. Ils ont quand même marqué vite, hein, dans ce match, hein, dès la troisième minute grâce à Kivior. Puis ils se sont fait surprendre, hein, parce que Arsenal a tout de suite ralenti un petit peu. Une égalisation de d'Eze pour Crystal Palace à la 27e, ça fait un partout. Et Arsenal qui a quand même, juste avant la pause, marqué le 2-1 grâce à Trossard, hein, encore une fois, qui marque le Belge. C'est 2-1 à la pause, et Arsenal qui a encore plus levé le pied en seconde période, qui a essayé de gérer tranquillement ce match, et puis ils sont refait surprendre en fin de match grâce à l'égalisation côté Palace dans ce derby londonien de Mateta, ça faisait 2-2 à la 83e. Voilà, il y a Pas grand chose à dire encore une fois, parce que je l'ai dit, Arsenal a volontairement, je crois, et ça se voyait jouer avec le frein à main. Donc voilà, ça fait 2-2. De toute façon, évidemment, le titre de champion était impossible. Je l'ai dit, cette deuxième place est quasiment déjà actée, même s'il reste 4 matchs, mais voilà, dans l'optique des demi-finales du LDC contre le PSG, évidemment qu'il fallait pas jouer la carte à fond sur ce match-là. Donc voilà, 2-2, c'est comme ça, ouais, y a pas grand chose de plus à dire. Ouais, t'es à 14 buts quand même cette saison. Il fait encore une grosse saison, mais déjà la saison dernière, enfin déjà depuis quelques saisons, même en première ligue, c'est quelqu'un qui est relativement reconnu, hein, beaucoup moins qu'en France, même si je pense comme beaucoup, on a beaucoup apprécié ses performances lors des Jeux Olympiques, justement, avec les Bleus. Ouais. Mais effectivement, ouais, qui fait encore une très bonne saison et pas la fin. Dans un club mid, il est pas tout seul, ouais, c'est ça. C'est ça. Très bien. Samedi, c'était Chelsea qui entre en piste là aussi, pour l'Europe, hein, puisque là aussi c'est très très serré. 1-0 victoire face à Everton. Voilà, ça permet à Chelsea de rester au contact, on le disait, de City, de Newcastle. Et puis pour Everton, bon bah de toute façon Everton qui joue plus rien depuis un moment, donc c'est des matchs. Voilà, pour le fun, pour cette équipe d'Everton. Chelsea, par contre, c'était important. Et 1-0, c'est le minimum syndical, mais ça va compter, ces 3 points. Ah oui, forcément, ça va compter. Ouais. On le disait tout à l'heure, ils sont à 1 point de City devant, ils sont à 2 points de Newcastle, 3e. Mais ils sont égalité avec Forest, hein, qui est juste derrière, 6e. Puis Villa, qui est encore à 3 points, 7e. Donc, effectivement, c'est 3 points qu'il fallait prendre pour Chelsea, qui n'a pas brillé dans ce match non plus. Ça a été un match assez terne, hein, de toute façon. Mais c'est aussi Everton, hein, qui joue comme ça. C'est Everton, ils sont 15e, effectivement. C'est pas une très grande équipe, mais on le voit notamment à leur nombre de matchs nuls. Hein. 14 matchs nuls. Ouais. Hein. Y a pas une autre équipe dans le championnat qui a fait autant. C'est Everton, une équipe ouais très chiante à jouer. On le voit même sur la plupart de leurs défaites. Everton, c'est pas non plus, alors, ça peut arriver, mais c'est pas non plus des gros cartons qu'ils prennent. Enfin pas tout le temps en tout cas. Mais pour l'instant, il y a ouais que 1 ou 2 buts d'écart. Bon, j'ai dit quelques cartons, mais globalement cette équipe d'Everton est très solide, avec un bloc défensif aussi très compact et ça permet, ça fait que Chelsea, pardon, pas non plus, et puis Chelsea n'a pas non plus beaucoup de. Voilà, n'a pas un jeu exceptionnel encore une fois cette saison, même si pour le coup par rapport aux 2-3 dernières années, Chelsea revient un petit peu dans le haut de tableau et joue vraiment la Ligue des Champions jusqu'au bout. Mais voilà, c'est une victoire qui compte bien sûr pour les Blues, mais rien n'est fait, encore 4 matchs. Je vais regarder leur calendrier parce que je sais pas c'est quoi leur dernier match, mais bon, il va falloir aller chercher tout ça. Surtout qu'ils ont encore l'Europe. Bah voilà, c'est ce que j'allais dire, ouais, bon après, oui. Il la joue plus ou moins, hein. Il la joue en faisant tourner. Hein, c'est ça, ouais. Et ça devrait. Alors il y a Liverpool. C'est sentiment comme ça en plus. Et ouais, il y a Liverpool, alors Liverpool quoi, plus rien à jouer du coup. Ouais. Bah, en même temps, ils ont plus que le championnat à jouer, effectivement, mais il y a plus le titre est officiel, on va en parler après. Ouais, Newcastle aussi, hein, qui reste bah justement un adversaire direct. Ouais. United, alors qui n'est pas un adversaire direct, mais voilà. Et puis Forest, qui est un adversaire direct. Enfin, on sait pas encore. Ça va dépendre de ce qui va se passer demain pour eux, mais. C'est une journée, mais ouais, il reste des gros matchs, donc ouais, il va falloir tenir la dragée haute, hein, pour Chelsea. Exactement. Qui jouera jeudi sa demi-finale allée de Conference League, ouais. Face aux Djurgårdens aux Suédois, de Djurgårdens, c'est à l'extérieur. Très bien pour Chelsea. Puis on finit avec Liverpool. C'est le titre est officiel. Victoire avec en plus la manière. Le carton face à Tottenham, 5-1. Tottenham s'enfonce un peu plus dans une fin de saison cauchemardesque, même si le maintien il est quand même bien assuré. Mais c'est une saison très vite oubliée pour Liverpool. Bah ça y est, c'est fait. 20e titre de champion d'Angleterre. Oui, voilà, Tottenham, j'ai même pas envie de m'attarder dessus. Oui, 16e, c'est quand même catastrophique pour ce club-là. Qui est quand même habitué aux 5, 6, 7 premières places depuis des années. C'est vrai que c'est catastrophique. Voilà, oui, une large victoire 5-1 des Liverpool, c'est plus que logique, à laquelle on pouvait s'attendre en plus, hein, avec un Tottenham toujours aux abois. Voilà, ils ont été mauvais, absents dans quasiment tous les compartiments du jeu. Même si, bah, c'est comme Tottenham, hein, qui a ouvert le score à la 12e, hein, par Solanke. Mais les Reds qui se sont pas fait prier, ils ont vite répondu en égalisant à la 18e, grâce à Luis Diaz, et puis bon, après ils ont déroulé, hein, tranquillement, un très beau but à noter, voilà, de pour l'anecdote de McAllister, hein, qui a marqué un superbe but. Mais voilà, une très belle victoire, une claque, une fessée a mis au londonien de Tottenham 5-1, et ça permet à Liverpool, au reste, de bien fêter voilà ce titre de champion avec une très très belle victoire à domicile à Anfield, donc c'est parfait et ça fait le maintien de championnat, la 20e première ligue pour Liverpool, ouais. Et qui égalise, qui revient à hauteur de Manchester United, hein, donc ils sont maintenant deux, à avoir ce record au palmarès de PL. Donc voilà, Liverpool qui s'inscrit un peu plus encore dans l'histoire, bien sûr, du foot anglais. Exactement, qui voilà, ça va fait dérouler maintenant jusqu'en fin de saison. Ça se complique. Et, juste pour le petite anecdote, Arne Slot juste qui a rendu hommage aussi en fin de match, enfin, lors des festivités sur la pelouse, qui a rendu hommage à Jürgen Klopp. Jürgen Klopp qui avait justement la fin de saison dernière, voilà, encensé sur le terrain aussi, hein, en lançant un petit chant avec les supporters sur Arne Slot. Et ben là, Arne Slot lui a rendu l'appareil avec le même chant de supporter, cette fois-ci à l'effigie de Jürgen Klopp, bien sûr. Voilà, juste pour la petite anecdote, c'est très sympa. Et puis ça montre la ferveur, l'amour du foot, l'histoire, la grandeur de ce club qu'est Liverpool. Voilà, c'était juste pour la petite anecdote aussi là-dessus. Très bien, ça se complique, je le disais, pour la Lazio qui vient d'encaisser un deuxième but face à Parme. Ah. On joue à la 52e, donc ça va se compliquer un peu plus. Cagliari mène toujours 1-0 face à Vérone. Le classement, avant de vous présenter la prochaine journée, Liverpool ont 82 points, Arsenal est deuxième 67 points, Newcastle 62 points troisième, et après c'est très serré, on l'a dit, quatrième City 61, Chelsea et Forest 5 et 6 avec 60 points, Villa qui a perdu des points là face à City qui est à 57 points, donc pour l'instant pas qualifié pour l'Europe, hein, parce que c'est les 6 premiers, on le rappelle. Fulham 51, Brighton 51, ça ne jouera plus rien. Et puis en bas, Ipswich, Leicester et Southampton qui a 11 points. Attention, rappelle-toi, c'est 12 le record. C'est 12 dans le record, ouais, c'est ça. Donc ils ont pris un point la semaine passée, il faut encore en prendre un. Enfin, deux. Ou au moins un pour égaliser. Bah, au moins un, et juste ce week-end contre face à Leicester, qui est 19e. Leicester est quand même un petit peu au-dessus, hein, du coup, mais qui sur une série, une saison très mauvaise aussi. Hein, ouais. Qui sur une série aussi incroyable de défaites, hein, qui a pu gagner depuis fin janvier. Donc et voilà, donc pour ces trois-là, bon, pour Southampton ça fait un moment, pour Leicester c'est pas encore officiel, mais presque, et pour Ipswich aussi. Peut-être juste dire un mot sur Jamie Vardy aussi. Oui, bah oui, qui va. Voilà, c'est quand même grandiose. Hein. Ouais. Que j'ai revu, enfin, je l'ai déjà vu plein de fois, sûrement comme tout le monde, mais j'ai revu ça du coup repasser sur les réseaux sociaux, donc avec son annonce, mais vraiment genre, en 2011, 2012, je sais plus, 2010, il est en 6e division anglaise, puis après en 5e, après en 4e, ou je sais plus, après il est recruté par Leicester directement, donc il arrive en Championship, et la saison d'après il monte, et encore la saison d'après, bah, il gagne la Première Ligue en 2016. Donc saison d'après, bah, il joue en Ligue des Champions jusqu'en quart de finale. Alors que rappelez-vous, hein, 5-6 ans avant, il était encore en 6e division, le gars. Et puis après, bah, meilleur buteur de PL, il gagne une cup, je sais plus, en 2021, je sais plus quoi, le Community Shield, le Charity Shield aussi. Enfin, c'est énorme sa trajectoire de vie, quoi, sa carrière. C'est ouf, parce que son premier match de PL, il a déjà 25-26 ans, quoi. Pareil, c'est énorme, c'est énorme. Ah ouais, c'est une sacrée histoire. Et sa loyauté, parce que. Il y a eu quelques offres de grands clubs, bien sûr, européens, après sa PL avec Leicester, après ses titres, c'est sa loyauté aussi pour le club, et notamment quand Leicester était redescendu en Championship il y a 2-3 ans. Il est resté, il a fait remonter Leicester, et il est resté jusque-là. Alors Leicester va redescendre là. Bon, fallait bien que ça s'arrête aussi un moment pour lui, il a 37 ans. Mais c'est cette loyauté aussi qu'il a, c'est exceptionnel aussi. Donc c'est un grand joueur, probablement un grand homme aussi. Enfin, en tout cas, sur sa loyauté, tout ça, il n'y a rien à dire. Donc, voilà, c'est un grand monsieur qui quitte le football anglais, mais aussi le football mondial en soi. Donc, voilà, un grand bravo quand même aussi à Jamie Vardy pour sa carrière originale et exceptionnelle. Exactement. C'était déjà 11 points le record. Hein. Je me suis trompé, c'est 11 points. C'est Derby County. Derby County en 2007-2008. Et c'est là qu'ils ont pris deux points en un mois là face à Crystal Palace il y a début d'avril et là face à West Ham, donc là ils sont égalés, donc il leur faut un point pour ne pas partager ce triste record avec quatre joueurs. Je suis déçu du coup. c'était encore l'enjeu, mais non. Et là il reste, ouais, donc tu as dit Leicester, City, Everton et Arsenal. Autant te dire que ça va être compliqué. Bon, on suivra. On suivra ça. Pour finir, les demi-finales de la Cup, c'était ce week-end. Donc Crystal Palace a écarté Villa. Pour Villa, c'est une semaine compliquée avec deux défaites, donc 3-0. Donc Palace va se qualifier et aura l'opportunité d'aller chercher un ticket pour l'Europe grâce à cette Cup, du coup, puisque au championnat, ça va être trop compliqué. Et puis City s'est qualifié en battant Nottingham Forest 2-0. C'était hier soir, hier après-midi. Donc 2-0 et donc pourra aller accrocher un titre cette saison via cette cup, donc en tout cas qui sera qualifié. Et c'est sa troisième finale de suite en cup pour City. Oui, exactement, tout à fait. Et ça pourrait permettre de libérer une place aussi en championnat, cette victoire de City, si elle a lieu. Et ça pourrait permettre de qualifier les Villa, pour l'instant qui est septième. Donc je pense que Villa sera maintenant supporter de City. Voilà, donc ce sera le 17 mai prochain, voilà, cette finale de Cup, en même temps d'ailleurs que je crois l'Italie, et probablement les autres aussi, hein, ça se joue plus ou moins en même temps. Voilà pour l'Angleterre et pour l'Europe. On va revenir sur la France maintenant, il est 22h03, on est pas trop mal, donc on va continuer dans cette lignée avec pour la Ligue 1, donc juste après. D'abord un mot en national, donc c'est quasiment fait pour la remontée en national. Donc, alors pour juste un petit mot pour Bordeaux en national 2, ce ne sera pas cette année. Hein. Ce sera trop compliqué. Il y a eu trop de mauvais résultats ces dernières semaines, donc pas de remontée pour Bordeaux cette année. Et puis pour le national, il reste encore 3 journées, mais pour Nancy, c'est bien parti encore avec un succès. Face à l'USO, c'était face à Orléans, donc vendredi soir, la claque 5-1 pour le leader qui possède maintenant 6 points d'avance sur le troisième qui est barragiste, c'est Boulogne, donc c'est bien parti pour Nancy. Le Mans aussi s'en rapproche avec une victoire face à Nîmes 4-0, 2 points d'avance sur la troisième place pour l'instant. Et puis Boulogne, un match nul, dommageable pour eux, il reste troisième. Dijon 4e est trop loin maintenant avec 46 points, donc ça va être alors mathématiquement c'est encore possible, mais ça va être compliqué. Et pour Orléans, c'est fini depuis un petit moment, et voilà, pour l'instant on connaît au moins deux parmi trois qui devraient aller chercher la remontée ou voir un barrage. Et puis pour Boulogne, il va falloir se battre encore un petit peu pour aller chercher et valider cette troisième place, voire mieux, dans ce championnat. La prochaine journée, c'est vendredi. Donc, déplacement pour Orléans à Aubagne. Très rapidement, je vous donne la suite. Nancy recevra Nîmes. Le Mans, de son côté, recevra Rouen. Et enfin, Boulogne-sur-Mer recevra Sochaux. Voilà pour le calendrier des trois prétendant à la remontée en Ligue 2. La Ligue 2, justement, parlons-en avec là aussi, ça bouge. Hein, c'est fait pour Lorient qui va revenir dans l'élite. Lorient, ça faisait 2 ans, 3 ans, je ne sais plus exactement, mais ça fait pas si longtemps que ça que Lorient était en Ligue 1, donc c'est acté. Ouais, je ne sais plus. Je ne sais plus exactement, il faudra vérifier, mais ça fait pas longtemps. Non, peut-être pas. L'an dernier, ouais, 2 ans, je crois. 2 ans, c'est ce que, ouais, il me semblait bien que c'était 2 ans, ouais. Donc voilà, c'est fait pour Lorient. Il y a eu plusieurs paramètres qui ont permis cette remontée. D'ailleurs, d'abord la victoire de Lorient, c'était hier, samedi, face à Caen 4-0. Caen, de son côté, qui est déjà relégué, on l'avait dit, hein, ça y est, c'est officiel. Et puis, la défaite de Metz, surprenante, à Pau. Et ça permet donc de remonter tout de suite pour Lorient, donc qui est leader. Le Paris FC se rapproche aussi hein, de cette remontée grâce à la défaite de Metz, mais son point aussi face à Rodez qui se rapproche aussi. Metz donc pour l'instant reste barragiste, et puis derrière Dunkerque et Guingamp sont pour l'instant en bonne position pour aller chercher les playoffs, hein, les pré-barrages, on va dire. Et tu peux peut-être nous dire un mot de 3 Dunkerque, justement, qui était le match du week-end, puisque je crois savoir que tu étais au stade. J'étais effectivement au stade de l'Aube, ouais, vendredi soir, pour 3 Dunkerque. Alors, oui, je ne vais pas dire énormément de choses, parce que ce n'était pas un grand match, hein, honnêtement. Même les 10-15 premières minutes, vraiment, j'étais là. J'ai dit à ma copine qui m'a accompagné, hein, bien sûr au stade, je pourrais faire une sieste, c'est pareil. Voilà, il y avait Dunkerque qui faisait tourner le ballon en défense, qui refusait un petit peu le jeu. Trois de son côté qui pressait quasiment pas, ou voilà, de temps en temps, voilà, l'attaquant qui vient un petit peu sur le porteur de balle. Non, mais globalement, un match assez fermé, même si Dunkerque a un peu a eu le ballon globalement dans le match, justement, a tiré plus de fois au but que les Stacks, mais globalement, les Stacks n'a pas été grandement mis en danger, et le seul but de la rencontre a été marqué juste avant la pause à la 39e, hein, sur un pénalty justement transformé par Nicolas de Préville, voilà, 1-0. Et ouais, j'ai pas plus de choses à dire, hein, ça peut être un grand match, voilà, le principal effet pour les Stacks, hein, qui se met définitivement à l'abri, hein, pour le maintien, ça c'était presque fait, mais là voilà, avec ces 3 points, ça conforte bien leur bonne remise aussi, leur bonne forme, on va dire ça comme ça, en tout cas depuis la deuxième partie de saison, même s'ils ont eu plusieurs défaites, hein, ils n'ont pas eu que des bons résultats, mais en tout cas on se rappelle du début de saison qui était très très compliqué, hein. Leur première victoire en Ligue 2 n'est arrivée que fin septembre contre Metz, hein, donc c'était déjà la 7e journée, mais voilà, on va dire depuis allez, fin octobre, début novembre, ils sont bien mis à l'endroit, ils avaient enchaîné beaucoup de matchs sans défaite, hein, je crois 4-5, un truc comme ça. Et depuis, ça enchaînait plutôt pas mal. Il y a des bons joueurs. Moi, j'aime beaucoup Cyril Aquirière, l'ailier droit, le milieu droit de l'Estac. Mais voilà, sur ce match-là, pas grandiose, mais Dunkerque, franchement, qui m'a pas du tout plus emballé. Tu as dit qui est pré-barragiste, hein, quatrième. Mais en tout cas, ouais, Dunkerque n'a pas fait un grand match et une victoire de 3 pas méritée. Mais je veux dire, oui, un match nul aurait été pareil, mais. Mais une belle victoire pour les Stacks. Et du coup, bah, le classement, Lorient, leader avec 68 points, donc qui remonte, mais qui n'est pas encore champion. Ce sera l'objectif de la prochaine journée, notamment. Le Paris FC, deuxième, 65 points. Metz, c'est pour l'instant troisième, donc Ebarazit, 61 points. Dunkerque, 54. Et Guingamp, 51. Donc les pré-barrages. Laval, 49. Et Annecy, 48. Peuvent encore espérer aller chercher cette cinquième place, qui donnera accès à d'abord un pré-barrage, puis un barrage face au troisième. Puis enfin peut-être une double confrontation face au 17e, pas au 17e, au 16e pardon, de Ligue 1, qui est le barragiste en Ligue 1. Et puis en bas, donc pour l'instant, Caen, 21 points, donc c'est fini, on l'a dit. Clermont, 29 points. Bartigues, barragiste, 31 points. Donc pour Clermont, il n'y a plus de possibilité de se maintenir. Mais il y a encore possibilité d'aller chercher la place de barragiste pour Martigues. C'est encore possible, mais ça va être très compliqué. Hein. Avec 5 points de retard sur Red Star, qui est 15e, il faudra un gros concours de circonstances, puisqu'il reste que 2 journées, hein, en Ligue 2. Hein. On a commencé un peu plus tôt. Il restera donc cette journée du vendredi 2 mai à 20h. Et puis tous les matchs de samedi 10 mai à 17h, voilà, pour les 2 dernières journées de Ligue 2. Et attardons-nous maintenant sur cette fin d'émission sur la Ligue 1, avec les matchs donc qui nous attendait cette 31e journée. Le premier match, c'est le Paris Saint-Germain face à Nice. Le PSG en quête de record, en quête d'invincibilité en Ligue 1 qui n'était jamais arrivé, et ce ne sera pas encore pour cette année. Défaite face à Nice, qui pour le coup, Nice prend 3 points hyper, hyper importants, bien sûr, pour la course à l'Europe. Et pour Paris, peut-être c'est un peu le même syndrome qu'Arsenal, hein, et que l'Inter, avec une défaite, malgré pourtant une équipe au complet. Hein. Ah ouais, un groupe au complet pour le PSG. Après, voilà, oui, un peu le syndrome Arsenal. Est-ce que, je sais pas, oui. Après, ça peut être, oui, c'est forcément de la fatigue physique aussi, forcément, après avoir enchaîné autant de matchs dans une saison. Voilà, même Vitinha l'a dit en conférence de presse aujourd'hui, hein, avec Luis Enrique, là en fin de journée, même lui, il l'avoue, il est dans une mauvaise passe. Alors, en espérant que ça prenne fin demain, parce que. Effectivement, bah là, les choses extrêmement sérieuses commencent ou recommencent, en tout cas, pour le PSG. Donc, en espérant voir un autre visage de ce PSG-là depuis que celui qu'on voit depuis une, deux, trois semaines, pour être méchant. Mais voilà. Mais en tout cas, ouais, niveau Nice, un très bon match des Niçois. Morgan Sanson qui revient depuis peu de sa longue blessure et là, qui a marqué un superbe doublé. Donc, c'est très bien aussi pour lui. Et puis voilà, Nice, ouais, qui fait le job dans la course à l'Europe, qui reste à égalité de points avec Lyon et Strasbourg, puisque tout le monde a gagné dans le haut de tableau, sauf Paris et puis sauf Monaco, on en parlera après aussi. Mais une belle victoire pour Nice, effectivement. Alors, c'est dommage pour le PSG, pour effectivement cette quête du record, enfin de d'invincibilité. Donc c'est dommage pour eux. Maintenant, alors la question avait été posée aussi à Luis Enrique la semaine dernière. Alors, question libre à chacun de juger de la pertinence de cette question du journaliste, mais la question m'a été posée, est-ce que vous préférez perdre ce record, enfin perdre contre Nice pour et perdre ce record d'invincibilité ou et gagner contre Arsenal ou l'inverse, enfin je sais plus c'était quoi, c'était la question, c'est en gros c'était ça. Oui, bien sûr qu'Enrique et PSG ils préfèrent perdre contre Nice et aller chercher la finale de Ligue des Champions, mais ça c'est évident. Bon, en tout cas, alors je sais pas si cette question a porté l'œil ou pas au PSG, mais effectivement, bah Paris a perdu contre Nice, en espérant du coup que ça emmène le PSG en finale du coup. Ah ouais. Comme vous soulignez cette question. En espérant un autre visage du PSG demain, ouais. Début de réponse demain, ouais, exactement. On en parlera dans quelques instants. Les autres rencontres, alors on va essayer d'accélérer une petite minute par rencontre. Strasbourg qui s'impose sur Saint-Étienne, bah voilà, là aussi l'un une des équipes qu'il fallait suivre sur cette fin de saison pour l'Europe. 3-1. Voilà, bah Strasbourg qui a fait le boulot aussi, ce qui est assez logique derrière cette victoire. Ouais, c'est logique cette victoire. Strasbourg qui enchaîne encore son excellente forme du moment, de la saison même, surtout de cette seconde partie de saison. 3-1. Voilà, Strasbourg beaucoup plus talentueux que cette équipe de Saint-Etienne, avec beaucoup plus d'idées, bien sûr. C'est pas pour rien que voilà, le classement est comme ça, avec Saint-Etienne est 17e et Strasbourg 7e. Voilà, plutôt Saint-Etienne, voilà, encore une fois, j'avais déjà dit il y a deux semaines lors de nos dernières émissions. Ouais, je sais pas, ils me font plaisir quand même, Saint-Té, là, depuis plusieurs semaines. Il y a beaucoup d'envie. Je sais pas, ils ont re-eu du baume au cœur, j'ai l'impression. Alors, en espérant que c'est pas trop tardif. Hein. Enfin, après, il y a 3 matchs. Il y a encore la place, bien sûr, pour aller se sauver ou en tout cas peut-être accrocher cette place de barragiste. Hein. Ils sont qu'à 1 point du Havre, 16e, et ils sont à 3 points d'Angers, 15e, premier non relégable. Mais voilà, ça me ferait de la peine que ce club historique, cette équipe historique, repart en Ligue 2 avec ce public-là, avec encore une fois ouais cette envie qu'ils ont, même sur ce match-là. C'est vrai que c'est dommage pour Saint-Étienne de perdre. Après, c'était trop fort en face, en plus c'était à la méno, mais voilà, je vois ce but de Moreira qui est magnifique, Emega qui continue de marquer, Bakwa qui est relativement bon aussi cette saison, là qui marque aussi, je crois que c'est ton 5e but en Ligue 1 de la saison. Enfin bref, une très belle équipe de Strasbourg. Forcément, Saint-Étienne, ça va se compliquer pour eux, mais j'espère qu'ils vont réussir à se sauver avec cette même abnégation. Il y a moins d'aller chercher des points en gardant cette motivation-là jusqu'à la fin. Santé. Très bien, qui ira à Monaco la semaine prochaine. Enfin, ce week-end. On parlera. Monaco, justement, le grand perdant du week-end en haut tableau, qui est le seul à ne pas avoir gagné. Alors, hormis Paris, on va un peu l'exclure, qui n'est pas dans la course à l'Europe, qui n'est plus dans la course à l'Europe. Le grand perdant au Havre, pour le coup, lui qui prend un point important, hein, qui reste devant Saint-Etienne, qui prend toujours ce point d'avance sur Saint-Etienne. Petit Monaco au Havre, qui n'a pas trouvé les solutions. Malgré encore Biret, qui a marqué, hein, qui a égalisé à l'ouverture du score du Havre. 13e but hein, en Ligue 1 pour Biret. Hein. 13e but en 13-14 matchs Du coup, ils ont depuis janvier, hein, donc c'est un truc comme ça. 14 matchs, ouais, exactement. Ouais. Et qui a eu d'autres opportunités aussi de marquer. Il y a eu des arrêts de Georges Lain, donc qui n'a pas trouvé la solution une deuxième fois, malheureusement. Et c'est ces deux points, au vu de ce qui s'est passé avant et après ce match, on va le voir, tout le monde a gagné, donc c'était fallait vraiment suivre la cadence. Hein, là, c'est dommage, ça permet aux autres de repasser devant, Lille notamment, et donc Monaco n'est plus sur le podium ce soir. Ah, sur la physionomie du match, c'est deux points de perdu pour Monaco. Au-delà, de l'aspect de la course à l'Europe, mais sur la physionomie du match, c'est vraiment deux points de perdu quand même pour la SM. Quoi. Oui, à tout le point de vue, toutes les stats sont bien sûr. Du côté de Monaco, mais voilà, comme la semaine passée à Strasbourg, enfin face à Strasbourg, où il y avait eu un peu le même scénario, des occasions, pas de but, et ça se paye. Quatre points en deux journées de perdu, et Monaco qui perd pour l'instant la place sur le podium. Donc rien n'est fini, mais c'est vrai que ces deux points, au vu de ce qui s'est passé sur l'intégralité de la journée, deux points très importants de perdu. Passons à Lyon, qui en a profité, bien sûr, pour s'imposer face à Rennes, face à un Rennes qui joue plus rien maintenant. 4-1, l'OL qui domine largement cette rencontre et qui a bénéficié de ses hommes en forme, hein, Fofana, Tolisso, Lacazette, Mikotadze aussi buteur. Voilà, c'est les hommes en forme du moment pour Lyon. Voilà, même Cherki, hein, qui a fait un bon match de son côté, avec notamment une passe décisive, mais globalement un match assez plein de sa part. Un match excellemment bien géré de la part de Lyon. Rennes, qui qui aura souffert du début à la fin, qui n'aura pas su trouver non seulement la faille, enfin à part sur le but, le seul but rennais à la 50e, au retour des vestiaires, où voilà, Rennes a essayé un petit peu de rentrer dans ce match là enfin, voilà, de se pousser dans ses retranchements. Ils ont parlé, non, c'est ça? Ça, je cherchais. mais Lyon qui était beaucoup trop fort pour ces Rennes-là, pour ce Rennes de David Bay, qui reste trop friable aussi, qui manque de joueurs, qui manque encore une fois de talent, d'assurance dans chaque ligne, hein, même s'il y a des bons joueurs aussi dans cette équipe-là, mais voilà, ça reste trop en dents de scie aussi sur les différentes individualités. Mais ouais, tu l'as dit, les joueurs en forme ont marqué, ont fait leur match. Fofana, Tolisso, Lacazette, Nico Tadze, Cherki, je l'ai dit aussi, à noter. Même Thiago Almada qui est en tort sur le but rennais, justement, c'est lui qui sait pas trop quoi faire du ballon et qui offre une offrande justement à Meïté pour Rennes, et il a plus qu'à marquer, à ajuster le gardien. Mais vraiment un match plein des Lyonnais, et ouais, effectivement qui recolle à un point de Monaco, à deux points de Lille, donc à deux points du podium. Donc une très belle victoire pour Lyon, qui plus est, bah oui, bien sûr, excellent, enfin très très important dans la course à la LDC encore une fois. Et qui marque 4 buts, ça comptera aussi pour la différence de buts, on le voit, hein, qui est revenu à plus 20, comme Nice d'ailleurs, Monaco est à plus 22, voilà, ça va compter, et Nice, Lille est en dessous, à plus 17, et puis Strasbourg est à plus 13, donc voilà, c'est des... C'est presque même assez rare dans... Ouais. Saison de Ligue 1 qui est autant de... Alors, France, enfin, c'est pas si énorme que ça d'avoir plus 20, mais sur les dernières saisons de Ligue 1, tu prends à chaque fois les 3, 4, 5 premiers, il y en a jamais plus de 2 qui ont plus... Qu'on... Ouais. Enfin, plus de 3 qui ont plus 20 au minimum de... Ouais. Donc, vous l'avez rangé. Donc là, ouais, c'est pour Lyon, c'est vraiment 4 buts qui vont compter. Ouais. Lille qui s'est imposé à Angers dimanche, voilà, là aussi un des clubs du haut qui a gagné, qui devait suivre la cadence, hein. Et qu'il l'a bien fait en gagnant et en reprenant cette troisième place de Monaco notamment, et qui va aussi s'accrocher encore. Deux buts, et malgré une petite alerte en fin de match avec une expulsion, bah, Lille reste à devant et s'impose et du coup suit la cadence. Ouais, pas un grand match de Lille, mais ouais, le job a été fait. Juste avant la pause, un but dans les arrêts de jeu d'Alexandro pour le 1-0, au meilleur moment de ce match pour ouvrir le score. Et puis bah presque pareil aussi, au meilleur moment, au retour des vestiaires à la 50e, le 2-0 grâce à Haraldsson. Voilà, Lille n'a pas... Oui, c'est un grand match comme je l'ai dit, même si il n'y a pas besoin de faire un grand match, hein, pour gagner contre Angers, surtout cette saison. On l'a vu, on va voir à quel point ça va être compliqué pour Angers aussi. Pour l'instant, je l'ai dit tout à l'heure, le premier non relégable dans ce championnat, mais avec une telle performance comme ça, ça risque d'être compliqué d'aller chercher jusqu'au bout ce maintien, même si encore une fois c'est les premiers non relégables. Mais il y a un match très très important encore une fois à venir ce week-end face à Nantes, et après ça va être compliqué parce que les deux derniers matchs c'est Strasbourg et Lyon. Ouais. Donc voilà, là il va falloir aller chercher des points face à Nantes, au moins un en tout cas. Parce qu'il faut se sauver, et là ça va être compliqué. Sur ce match-là, ils ont vraiment été relativement invisibles. Donc ouais, va falloir relever la tête pour la dernière ligne droite. Les trois matchs de l'après-midi d'hier, d'abord, alors assez rapidement, parce que c'est un match sans enjeu, c'était Lens qui recevait Auxerre, le carton d'Auxerre 4-0. Voilà, donc pour Lens, c'est définitivement terminé pour la course à l'Europe. Alors c'était déjà compliqué, maintenant il fallait absolument gagner pour rester au contact de Strasbourg et voilà, des autres, hein, de devant. Maintenant c'est complètement plié, on peut le dire, hein. Enfin, mathématiquement c'est plié, donc plus d'enjeu pour Auxerre, c'est pareil, il n'y avait pas d'enjeu, si ce n'est de reprendre la 10e place de Rennes, voilà, si on peut en trouver un d'enjeu, c'était ça. Donc 4-0 pour Auxerre, qui fait le spectacle à l'extérieur, et du coup qui repasse 10e. Là aussi très peu de choses à dire entre Nantes et Toulouse, 0-0. Pour Toulouse, pas trop d'importance puisque le maintien est déjà fait, ça y est, maintenant avec ce point-là, puisqu'il y a désormais 7 points d'avance, donc c'est quasiment fait, même si il y a encore 9 points à prendre, mais c'est quasiment fait. Pour Nantes, c'est un point pris qui peut être important aussi, puisque il y a encore des enjeux pour eux, donc en tout cas pas de but dans cette rencontre. même sinon tu aurais peut-être pu chercher 3 points. Et puis Montpellier-Reims, bah voilà, Montpellier, on le savait depuis un petit peu, depuis le match nul entre Monaco et Le Havre, c'est terminé pour la Ligue 1 cette année, et qui va stopper en tout cas l'hémorragie avec un match nul face à Reims. Ça arrange pas les Rémois qui auraient préféré prendre 3 points, même si ils s'éloignent encore un petit peu quand même de la zone rouge. Mais en tout cas pour Montpellier, c'est un point pris à domicile qui a montré un petit peu mieux que ces derniers temps à son public. Mais ça n'aura pas empêché bien sûr la relégation pour les Montpellierains qui iront en Ligue 2 l'année prochaine. Et puis terminons avec ce Marseille-Brest. Marseille devait suivre la cadence de tout le monde pour reprendre 2 points d'avance. Sauf Monaco, ouais, c'est vrai. C'est bien de leur signaler. Et voilà, qui voulait gagner pour donner un peu d'air. Hein. C'était vraiment l'occasion de prendre vraiment un petit peu, alors pas le large, mais quelques longueurs d'avance. Ça a été bien fait par Marseille, avec notamment un Goury en feu ce dimanche. Exactement, oui, une victoire. Très importante de l'OM, bien sûr, pour cette course à l'Europe, pour garder cette deuxième place, tu l'as dit, pour toujours avoir quelques points d'avance sur les poursuivants. Et puis oui, un Goury en feu, effectivement, avec un triplé, avec un but sensationnel, le but du doublé juste avant la pause, avec un petit centre, une petite balle piquée de Greenwood sur la droite pour Goury qui est un petit peu en retrait dans la surface. Et voilà, un amorti poitrine magnifique, et puis il enchaîne avec une bicyclette, un ciseau, et puis ça finit, enfin c'est bien placé, donc c'est un magnifique but. Et puis encore un triplé qui arrivera par la suite après l'heure de jeu, 3-1, un but aussi de Greenwood, hein, pareil, alors, avec de la réussite, hein, qui est contré par un joueur brestois, par Chardonnay, je crois, si mes souvenirs sont bons. Mais voilà, une très belle victoire de l'OM qui a fait son match, c'est parce que l'OM n'a pas eu non plus une panoplie d'occasions, hein. Enfin ils ont tiré 11 fois au but, hein, pour être exact au total dans ce match, mais ils ont été cliniques, ils ont été très dangereux parfaits dans la finition la plupart du temps, donc une très belle victoire, 4-1 avec la manière pour l'OM, ça fait du bien dans les têtes, bien sûr, ça fait du bien d'un point de vue comptable, encore une fois, on l'a dit, ils ont 2 points d'avance sur Lille, 3 sur Monaco. Et puis ça fait toujours du bien, un plus 3 en plus au goal average aussi, c'est important. Donc je disais au niveau de la confiance pour les 3 derniers matchs, c'est très important aussi avec le match face à Lille qui arrive ce week-end en plus. Donc là c'était vraiment une victoire avec la manière que les supporters attendaient, et ils l'ont eu. Et alors le truc c'est qu'il va falloir continuer comme ça bien sûr jusqu'à la fin, parce qu'on l'a vu tout au long de la saison, Marseille en dents de scie. Marseille très irrégulier, et là c'est un visage qui va plus falloir avoir cette irrégularité, donc va falloir continuer comme ça pour l'OM, à commencer surtout par Lille, ouais, je l'ai dit, dimanche soir prochain. C'est ça, très important. On va en parler dans un instant avec le pronostic. Le classement, donc le PSG 78 points, Marseille deuxième 58 points, Lille 3e 56 points, après c'est vrai que ça se resserre. Monaco 4e 55 points, Lyon, Nice et Strasbourg 54 points. Voilà, c'est vraiment serré, et puis derrière ça jouera plus rien. Lens, Brest, Auxerre, Rennes, Toulouse probablement, et puis après pour Reims 33 points, Nantes 32 points, Angers 30 points, Le Havre relégable, enfin barragiste 28 points, Saint-Étienne 27 points, et puis Montpellier c'est fini, on l'a dit, 16 points. Voilà le classement après cette 31e journée. Les pronostics, on n'a pas été brillant encore. La victoire de Strasbourg te coûte cher, hein, te coûte un point et te coûte la victoire, puisque sinon on avait Lyon, on avait Lille et c'est tout, c'est tout ce qu'on a eu. Et on a eu Marseille-Brest, mais ça fait 4-3. Voilà, pas un gros week-end. Ça fait quoi, Daniel? 4-3. 4 points. 4 points. Non, j'ai 4 moi aussi. Alors, qu'est-ce que je t'ai oublié? Moi, j'ai mis Lyon, j'ai eu bon. Lyon, Lille, le match nul de Nantes-Toulouse. Ah oui, alors, pardon. Ça fait 5-4, pardon, oui, c'est ça. Il manquait. Ouais. On a les mêmes scores, sauf pour le Strasbourg. Tu avais tenté le coup de poker du nul et ça n'est pas passé. Oui, donc c'est un peu mieux 5-4 finalement, oui, c'est vrai. J'avais oublié des points. Ok, bon on va essayer de faire mieux sur cette 32e journée. On y va avec Nice-Reims. C'est vendredi à 20h45. Donc Nice, on l'a dit, 6e. Reims 13e qui doit encore prendre quelques points pour s'assurer le maintien, mais je vais quand même mettre Nice moi qui doit gagner, il n'y a pas le choix maintenant, bien sûr. Ouais, je vais mettre Nice aussi. Je suis pas certain 100%, mais il faut que je me refasse un petit peu dans les points, même si je crois que dans tous les cas j'ai perdu les pronos là. Ça va être compliqué là. Ouais. Fallait pas que je le perde celui-là, surtout ce week-end. Fallait pas perdre là. Ouais, voilà, je vais quand même mettre Nice. Je vais suivre, j'ai plus trop le choix. Samedi toujours à 17h, Strasbourg Paris. Strasbourg 7ème, Paris 1er. Alors comment jouera Paris cet entre-deux tours, entre-deux matchs d'Arsenal? Ça va être intéressant, mais je vais quand même mettre Paris. Mais ouais, pourquoi pas un nul, tu vois? J'aimerais avoir une victoire de Strasbourg qui soit beau, quoi. Enfin, pourquoi pas, mais pas Paris perdre deux fois de suite quand même. Mais après tout, Arsenal entre les deux. Tu vas voir ce qui va se passer demain, quoi. Tu gagnes 3-0, c'est pas la même chose que si tu perds 3-0 derrière sur le match du week-end. Mais bon, t'as un match retour direct la prochaine aussi, donc. Mais je veux dire, si tu gagnes là, déjà t'as une euphorie quoi qui peut te servir en championnat. Mais je vais quand même mettre Paris. Faut plus l'avoir l'euphorie avec le PSG ou même avec des champions depuis des années là. Il y a tellement d'exemples. C'est sûr. Productifs. À Paris pour toi. Oui. Ouais, je vais quand même mettre Paris. À 19h, on aura Toulouse-Rennes. Alors un match qui sert pas à grand chose, même si Toulouse doit gagner quand même pour s'assurer, enfin moins prendre un point. Mais moi je vais mettre un nul. Quand je sais pas quoi mettre, je mets un nul. Donc, moi aussi, j'allais mettre ça aussi, je te suis. À 21h05, important pour les deux clubs, Saint-Etienne-Monaco. Saint-Etienne doit gagner bien sûr. Monaco aussi pour rester au contact. Je vais mettre Monaco là, ils ont plus le droit à l'erreur maintenant avec ces deux nuls là. Il faut gagner. C'est typiquement le genre de match où j'ai envie de mettre une petite surprise. C'est meilleur parce que là, ça va faire 4 pronos qu'on met en commun. Attends, tant pis. Hein. Ouais, tant pis, mais bon, il n'y a plus de jeu. Ouais, je vais mettre Monaco. Allez, dimanche à 15h, on a d'abord Nantes-Angers. Nantes, 14e, Angers, 15e, 2 points d'écart. C'est un match hyper important. Moi, je vais mettre Nantes à domicile. Je les vois bien gagner à la maison pour s'assurer le maintien. Toi aussi? Ok. 17h15, Auxerre-Le Havre. Auxerre, 10e, là, il n'y a plus d'enjeu. Le Havre, 16e, 28 points, il faut absolument gagner. Et moi, je vais mettre Le Havre. Hein, et les équipes qui doivent gagner gagnent généralement en fin de championnat. Je vais mettre Le Havre, moi. Je mets Auxerre. Allez, qui reste sur l'euphorie du 4-0. Pourquoi pas. Ouais. Brest, Montpellier aussi. On a Brest, donc 9e, plus d'enjeu. Montpellier, dernier, qui n'a plus d'enjeu non plus. Je vais mettre Brest, moi, à domicile. Je sais pas trop quoi mettre là-dessus. Mais... Ouais, Brest. Toi aussi, ouais. Brest quand même. Ouais. Lyon, Lens également. Lyon, 5e. Lens, 8e, qui joue plus rien. Bah, Lyon pour moi, hein, évidemment. Il y a plus rien. Oui. Bah oui. Oui. Et enfin, Lille-Marseille, match à 20h45. Le troisième contre le deuxième, hein, 2 points d'écart. Lille peut prendre la deuxième place en cas de succès. C'est un match hyper important. Moi, j'allais mettre un match nul de partout, qui arrangerait bien Monaco. Donc, je vais mettre match nul là-dessus. Ou, enfin, j'aimerais bien que soit qu'il y ait nul, soit que Marseille gagne. Comme ça, au moins, Marseille s'envole, mais ça libère la troisième place. Mais bon, je vois bien un nul quand même, parce que ça va être, c'est à Lille en plus, mais ça va être un match de fou, même si Lille n'a pas fait un gros match ce week-end, c'est vrai. Mais je vois bien accroché quand même. Je vais mettre 2-3. Ouais, c'est pas mal, ouais, ça peut être un match avec beaucoup de buts, ouais. Très bien. Bon, bah, avec deux matchs en. Ouais. Bon, ça se jouera là-dessus. On verra. C'est noté en tout cas. Le programme de la semaine, alors on rappelle, Ligue des Champions. Bien sûr, demain, Arsenal, Paris Saint-Germain. Voilà, 20h45. C'est le début. De ces demi-finales avec beaucoup d'enjeux, bien sûr, la première manche. Et puis mercredi, c'est le FC Barcelone qui reçoit l'Inter Milan à 21h également. Donc voilà, les premières manches de ces demi-finales cette semaine. On aura donc aussi la Ligue Europa, hein, ce sera jeudi. Donc Tottenham, Bodo Glimt et puis Aston avec l'équipe de Bao, Manchester United. Ah, malheureusement, Lyon n'y sera pas. Et on l'a dit, Chelsea joue aussi, Joe Gardens, ce sera à domicile, hein, jouer à l'extérieur, c'est bien domicile en fait. Et puis Betis Séville, Fiorentina pour l'autre demi-finale. Voilà, donc jeudi. Et puis tiens, un mot, puisqu'on parle de Ligue des Champions, c'est malheureusement Lyon, les filles, les Lyonnaises ne seront pas en finale de la Ligue des Champions, elles ont perdu face à Arsenal. Bien perdu. Hein. Bien perdu, ouais. Il y a 4-1 à l'aller, 2-1 en retour, il n'y a pas eu de... Enfin, victoire 2-1 en retour, ça n'aura pas suffi. Donc Lyon ne n'accrochera pas une nouvelle finale de Ligue des Champions, les Lyonnaises. Voilà. C'est pas l'inverse. Il n'y a pas eu 4-1 en retour pour Arsenal. Oui, c'est ça, 4-1 en retour et 2-1 à l'aller, ouais. Lyon avait gagné 2-1 à l'aller. C'était à Lyon pourtant, malheureusement, ça n'aura pas suffi de jouer à la domicile, donc Lyon n'y sera pas, sera Arsenal-Barcelone en finale de cette Ligue des Champions féminine le 24 mai prochain. Voilà pour donc ce qui nous attend cette semaine, donc beaucoup de matchs bien sûr animés, le championnat reprendra ce week-end bien sûr. Pour le reste de l'actualité handball, je le disais, Saran jouera l'un de ses derniers matchs pour essayer de pour se qualifier, c'est déjà fait, mais essayer d'avoir la meilleure place possible avant les playoffs. Je vous l'ai dit, réception de Cherbourg vendredi 20h au Palais des Sports. L'OL lui aussi au basket tentera de rester accroché à cette troisième place avec un match qui sera à domicile, je dis pas de bêtises, ce sera à domicile pour cette rencontre de Pro B, avec, je vous le dis dans un instant, qui jouera, qui recevra Rouen. Voilà, ce sera samedi soir 20h pour rester accroché toujours sur le podium. Et puis pour le reste, on l'a dit, on aura le Grand Prix de Miami en Formule 1, ce sera dimanche. Voilà, et puis en tennis, la fin du tournoi de Madrid. Si l'électricité revient à Madrid, c'est pas encore, enfin en Espagne d'ailleurs, dans tout le pays. Pour l'instant, il n'y a pas de match aujourd'hui. Enfin, en tout cas, ça a été très perturbé. Donc, le programme qui va un peu se perturber pour la fin du tournoi. Et puis en rugby, ce seront les demi-finales des Coupes d'Europe ce week-end. Donc, ça concerne 4 clubs français, Toulouse, Bordeaux-Bègles, ou plutôt Bordeaux-Bègles-Toulouse pour la Coupe des Champions. Ça sera dimanche après-midi. Et puis, un petit peu plus tôt dans ce dimanche, on aura un duel aussi d'entre deux clubs français dans l'autre compétition, la Challenge Cup. Ce sera donc entre Lyon et le Racing. Voilà, donc un peu plus tôt dans la journée de dimanche. Donc, un club français dans chaque finale, ça, ce sera sûr. Et donc, on verra qui y sera avec les matchs de dimanche. Voilà, il est 22h34, on est tout juste à la bourre, mais ça va. C'est une des émissions qu'on a fini le plus à l'heure, quand même. J'ai l'impression qu'on le dit souvent, quand même, cette année, on est pas trop mal. Hein. Ah, mais on est pas mal, hein. Ouais, ça se rapproche, hein. On va y arriver. On est rodé. C'est ça. 2-2 pour la Lazio, qui est revenu très très fort dans le match, grâce à un doublé de Pedro, 79 et 84. C'est peut-être la révolte de la Lazio, qui pourrait, pourquoi pas, arracher les 3 points dans cette fin de match, qui sera important pour on l'a dit. Puis Cagliari mène toujours 1-0 face à Vérone. On vous laisse sur ces deux fins de match. Si vous voulez le suivre, vous ne pouvez pas, parce que la Serie A n'est pas diffusée en France, hormis sur l'équipe, mais pas pour ces matchs-là. Donc il faudra suivre à distance. On se quitte là-dessus. Hugo, merci. On se retrouve lundi prochain, bien sûr. Bien sûr, ouais. Bonne semaine à tous et à tous. Bonne semaine à toi. Bonne semaine de foot, bien sûr. Exactement. Allez, Paris demain, on y croit. Face à Arsenal, on cite avec Alex Metric, c'est Id Stretch pour finir. On se retrouve lundi prochain, 20h30 toujours bien sûr. D'ici là, eh bien profitez du soleil. Si vous êtes en vacances, si vous êtes au travail, bon courage. Ciao ciao. À lundi prochain, ciao. Ciao. Sounds. Hey. para os próximos dias e não estamos a prever que haja nenhum constrangimento. Luís Montenegro continua a responder às questões dos jornalistas, como ouvimos, teve